suite de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle magnifique. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. La bataille était le mar. La bataille était le mar, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est l'émission 24, c'est l'émission 21, pardon, de cette saison 3. J'avais marqué les 24 sur ma copie, je ne sais pas pourquoi. Anticipé. Et oui, et donc ce soir, on va parler notamment de Champions League, puisque c'était le retour de la Champions League au football, avec notamment l'entrée en lice du Paris Saint-Germain. On va parler aussi retour du top 14, puisqu'on a parlé 6 nations dernièrement, mais le top 14 reprend également. Et on va faire une grosse émission spéciale Jeux Olympiques, puisqu'on va parler une grosse demi-heure dessus sur les JO, parce que bon, là on est en plein dedans. C'est la semaine phare avec notamment beaucoup de ski alpin et de biathlon, forcément pour nous les Français. Dans l'espoir montpelliérain, c'est un très beau week-end, puisque c'est 8 victoires, 1 match nul et 0 défaite. Donc un sans faute pour Montpellier cette semaine, ce week-end, et notamment à 100% du côté du sport féminin. Donc bravo aux femmes. Et donc on parlera aussi, donc par les Totilers aussi qui reviendra aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure, et un quiz spécial fait par Yacine ce soir. Exceptionnellement par mes soins, oui. D'ailleurs, je t'invite à te dire bonjour ce soir. Eh ben, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Il y a Tim à côté qui s'en retrouve aussi. Et Dimitri qui fait un retour depuis un petit moment qui n'était pas deux semaines. Deux semaines. C'était un Star Break. Et ça fait plaisir de revenir toujours. Toujours, toujours. Romain qui va nous parler forcément JO ce soir. Hein. Il pouvait pas manquer cette occasion. On passe le bonjour d'ailleurs à Théo qui est pas là mais qui aurait voulu en parler également. J'en suis certain. Bonsoir. En forme olympique. Et dernièrement, Paul qui va nous parler surtout rugby. Hein. Surtout qu'il a bien regardé. Hein. Bien regardé, normalement je suis au point, c'est bon. Orné de vert irlandais aujourd'hui. Hein. Ah. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Attends, je vais me remettre en bleu. Je suis en bleu. Ah non, je suis en blanc. Non, ça va. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec les résultats de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et on va commencer par du cyclisme, ce qui n'est pas habituel, mais on va commencer par ça. On va parler donc du Tour d'Oman qui a vu la victoire du Kazakh Lutsenko. Il y avait le retour de Nibali donc cette année qui a fait son entrée donc et se classe 12e au même temps que le premier français d'ailleurs qui est Fabien Doubet, si je me prononce bien. Qui est 12e également. Doubet ou Doubet, je ne saurais dire. Doubet. Bah non, mais même moi je connaissais pas. Vois, même moi, grand amateur de cyclisme, tu m'annonces un nom que je n'ai jamais vu sur le circuit. Quoi. C'est peut-être que mais si c'est un nouveau et talentueux, ce sera que du bonheur. Hein. Il y a le Tour d'Andalousie aussi avec la victoire de Tom Wellens, le Belge qui s'impose devant Walter, c'est ça, Pouls. Le coéquipier de Wout Poels. Ouais, faut aller chercher la prononciation. Ouais. Le Sky donc et Marc Soler l'espagnol en 3e position donc Chris Froome qui était de retour après sa, est-ce qu'on peut dire ça une suspension, je ne sais pas. Après son affaire en tout cas qui est de retour et donc qui fait 10e. Premier français, c'est Nance Peters. Alors là non plus, je ne connaissais pas. Ah ben c'est la soirée des découvertes. Hein. Avec une 13e place. Oui, on dirait que c'est plutôt un belge, mais c'est bien un français. Ça doit être un nordiste, il doit venir de chez toi, très cher ami. Peut-être, je ne sais pas du tout. Tour du Haut-Var, bon, c'est un tour un peu moins bien coté, mais c'est un tour en France, donc je me permets d'en parler. C'est un challenger. Donc ce qui fait que les voilà c'est ça en gros les 5 premiers sont français donc avec un peu l'Open Sud de France quoi. Avec Hiver donc qui s'impose devant Viermo ça dépend de la prononciation là-bas en Savoie. Rudy Mollard, Madouas et Thibaut Pinot qui est 5e. On va parler d'un dernier tour mais on en parlera surtout plus tard, on parlera bien cyclisme tout à l'heure. On va passer en NBA, t'as des résultats NBA En fait, c'était le break pour le championnat américain. Ce week-end, c'était le show All-Star Game, bien sûr, merci Tim. Donc, c'était le show. Donc, on a eu droit à un vrai match. Alors que d'habitude, c'est du Hurra Basket. Donc, la victoire de la Team LeBron face à la Team Curry. Donc on a eu des... Combien, c'est 148 à... 148 à 144, donc un match... Comme d'hab, un match où ça n'a pas trop scoré. Hein. Ça n'a pas trop scoré, mais il y a eu de la défense, ça a été très intense. C'était super ironique par contre. Ah, c'était vraiment un superbe match, il y a eu de la défense. La dernière action du match, le bloc défensif de Durant et de LeBron sur Curry est énorme. Donc je pense que ça a redonné un peu de l'aide de noblesse à ce match, on va dire, de gala. Et puis aussi, à noter aussi, pour nous Français, vendredi, notre petit Nikolina a fait 19 minutes de jeu et a marqué 6 points lors du Rising Star Challenge. Et pour les aficionados de spectacle, Donovan Mitchell, la sensation des Utah Jazz, a gagné le concours de dunk. Devin Booker a gagné le concours de tir à 3 points. Et Spencer Dinwiddie a gagné le concours de Skill Challenge. Ça va donner un peu de soleil à Brooklyn. Très bien, je crois que c'est complet pour la NBA. D'ailleurs, tu en reparleras tout à l'heure dans ton coup de cœur, c'est ça ? Coup de gueule. Sur le match en lui-même, tu veux dire ? Non, sur un joueur en partie. Bah, suspense, alors on va pas révéler son identité. On va passer au handball avec Yacine. Il y a eu du handball avec notamment la Champions League, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, semaine assez chargée. Alors on va d'abord commencer par les résultats de la 14e journée du championnat de France, la Lidl Star League qui se tenait mercredi et jeudi dernier. Donc on reparlera du résultat de Montpellier dans les résultats Montpellier 1, mais Paris a battu Sarran 40-31. Toulouse est allé gagner à Ivry 32-28. Et Aix est défait de Tremblay 28-25. Pour ajouter un dernier résultat, le gros carton de Nantes face à Dunkerque, victoire 31-15 à domicile. Ça fait mal. Ce qui fait qu'au classement, au classement, on en reparlera aussi, mais tout va bien pour Montpellier qui conserve toujours ses 6 points d'avance sur Paris. Nîmes suit avec 20 points, Saint-Raphaël également à 20 points, Nantes qui revient progressivement à 19 points, et Cesson et Tremblay qui ferment la marche avec respectivement 6 points et 5 points. Donc il y, a, ça, il y avait un gros résultat, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas entendu, de Nîmes surtout. Ah oui, de Nîmes aussi qui est allé gagner à Massy. Bon, après, c'est pour ça, c'est parce que Massy n'est pas forcément bien classé, mais Nîmes est allé s'imposer à Massy a perdu à Massy 29-23. Ouais, ce qui est une surprise quand même, parce que Massy est tout sauf bien classé. Voilà, et Nîmes qui recevra Saint-Raphaël dans la journée à venir. Donc pour l'instant, tout va bien pour Montpellier. Ça craque un peu Nîmes du côté du foot et du hand. Là, c'est, tout à fait. Le moment de gloire est terminé. En n'oubliant pas qu'on aura bientôt le match à domicile. Enfin, je crois qu'on recevra, oui, Nîmes pour le derby. Exact. À moyen, encore une fois, peut-être d'asseoir un futur titre de champion. Mais pour l'instant, c'est pas encore donné. Et donc les résultats qui nous concernaient aussi ce week-end, c'était la Coupe d'Europe. Alors le groupe de Nantes, qui est le groupe A, a vu Nantes s'incliner à Zagreb 23-22. Le Barça battre le Wisla Plock 28-27, ou encore le Vardar battre Szeged 34-30. Ce qui fait qu'au classement, Vardar s'empare de la première place, la conserve, pardon, et est en tête avec 20 points. Nantes suit avec 17 points, le Barça à 16 et Rhein-Neckar à 14. Pour le groupe de Paris, victoire de Kielce face à Sallier 37-31, de Veszprém face à Meshkov 34-22, et victoire de Paris face à Flensburg 29-21. Paris est donc qualifié pour les quarts de finale, largement premier avec 22 points. Veszprém suit 15 points, Flensburg également 15 points, Kiel 15 points et Kielce 11 points. Donc très très serré pour la deuxième et troisième place. D'ailleurs, Montpellier, s'ils gagnent leur match de barrage pour les poules basses de Ligue des Champions, alors je sais plus si tu te rappelles si c'est le groupe A ou le groupe B qu'on prend. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais que c'est le deuxième, ça c'est sûr et certain. Donc a priori, je crois que c'est le groupe B moi aussi. Quand on voit le plateau actuellement, ça serait soit Veszprém, soit Nantes. Donc bon, je préfère prendre Nantes personnellement que Veszprém. Tout se décidera. Oh non, quand même. Vous êtes déjà un Français qui passe autour. Le genre d'exploit que Montpellier a fait l'an dernier face à Kielce, je pense pas que ça puisse se répéter face à Veszprém, qui nous avait d'ailleurs sorti en quart de finale ensuite. C'est le plus solide quasiment de cette Champions League, donc je préfère prendre Nantes qu'on a déjà battu chez eux d'ailleurs. Mais tout se jouera la journée à venir, car Nantes recevra le Verdard. Ok, très bien. En tout cas, on est sûr que les Nantais sont qualifiés avec leur belle performance en Champions League. Ça devrait normalement être le cas. Très bien, on va passer. Je vais faire un petit résultat box avant. J'ai demandé à Guillaume, évidemment, parce que c'est pas moi qui fais les résultats box. Notre expert. Exactement. D'ailleurs, on salue, qui n'est pas là ce soir, mais qui reviendra très vite, je le suppose. Danny Garcia donc s'impose par KO face à Brandon Rios. Et petite surprise donc en Angleterre, puisque c'est George Groves qui s'est imposé et qui remporte la ceinture WBA face à Chris Eubank. Donc même moi je connais ce Chris Eubank, donc ça veut dire qu'il doit être connu quand même. Par décision unanime. Excusez-moi, donc voilà. Surprise en boxe, apparemment. Je ne peux pas développer plus, je suis désolé. Non, je ne sais pas si assez... vous pouvez également, mais. Non, mais effectivement, désolé, tu fais forcément. Bien de donner les résultats. Mais au moins, c'est une donné. Ceinture en plus qui a été remportée, donc faut donner cette info. Avant de passer, on va dire, un. Entre guillemets, au sport plus majeur, on va aussi. Bah, si, c'est ça, le sport majeur, puisqu'il y a football, tennis, rugby. On va commencer par le tennis. Appelons un chat un chat. Puisqu'il y a eu, puisqu'il y a eu quelque chose d'important quand même ce week-end. Oui, la victoire de Kvitova. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler la victoire de Roger à Rotterdam, hein, qui s'est adjugé son 97e titre, comme vous le savez, et qui surtout a reglané sa place de numéro 1 mondial avec un tournoi qui a été mené d'une main de maître, hein. Notamment une finale à sens unique face à un Dimitrov. Comme d'habitude face à Roger, hein, très, très inexistant, sans grande surprise. Donc voilà, Roger qui s'impose à Rotterdam en précisant que c'est un 500. Il y avait aussi la saison de terre qui a commencé, hein, notamment le choix qu'a fait Gaël Monfils, où il a fait demi à Buenos Aires, et c'est finalement Tim qui s'est adjugé le titre face au diable Bedene, hein, le Slovaque, je ne sais pas si vous connaissez. Surprise du tournoi quand même, il ne faut pas l'oublier. J'ai aussi le New York 250 où Kevin Anderson a sorti Nishikori en demi et battu Sam Querrey en finale. Kevin Anderson d'ailleurs 8e mondial, hein, on l'oublie celui-là, mais toujours là. Hein. Okay, fait une finale de... Ouais, face à Nadal à l'US Open. Exactement. Ouais. Et en résultat femme, parce que je suis loin d'être misogyne, ça va vous à Doha. Ne précise pas, non. Elle aura pour tout le monde. Et Kvitova qui a battu Muguruza à Doha en finale et qui revient dans le top 10 après 2 ans d'absence. Muguruza qui a un peu de mal à gagner dernièrement. Ça a du mal à confirmer depuis sa victoire à Roland. Je trouve que c'est un peu, c'est fluctuant, quoi. Ça manque de régularité. Petite question pour le. Bah justement. Ouais, moi aussi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Roger va passer les 100 tournois? Ah oui. C'était exactement la même question. Moi je voulais savoir s'il voulait, il va aller chercher le Jimmy Connors avec 109 titres. Je vais réagir en deux temps. 100 sûr, 109 moins sûr. Parce que 100, il reste 3, techniquement, il devrait aller chercher balle. Voilà, il devrait chercher Halle, balle. Wimbledon, ça ferait moins 100, tu vois. Halle, balle, Wimbledon. Halle, c'est quasiment sûr. Wimbledon, c'est un peu moins, mais bon. Ouais, non, 109, honnêtement, le record de Jimmy Connors, c'était de loin le plus dur à aller chercher, je pense pas. Après, il continue de surprendre Roger, donc. Ouais. Hein, on continue pendant 5 ans, tout est possible. Hein. Non, Jimmy Connors, c'était des titres un peu de 150, mineurs. Hein. Ouais, voilà, Jimmy Connors a beaucoup moins de majeurs que ce qu'a Roger dans son palmarès. Ouais. Mais moi, je pense que Jimmy Connors sera battu, comme le dit Yacine, au tournoi de l'Open Sud de France de Montpellier par une victoire de Roger pour le 110e titre. Ce serait tellement beau. Ah, vous vous projetez loin, les gars. Sur le cours numéro 1 face à. On dirait un épisode Black Mirror, le machin. Il deviendra un ATP 1000. Bien sûr. On va passer au rugby puisqu'il y a eu aussi le retour du championnat ce week-end. Et oui, le tournoi destination est en pause et du coup le top 14 reprend ses droits avec la 17e journée du championnat et une journée qui réserve son lot de surprises avec un chiffre assez marquant, c'est le chiffre 4. 4 comme les 4 victoires à l'extérieur de cette journée, phénomène assez rare dans le championnat pour être souligné. Donc on commence avec Toulouse qui l'a emporté assez largement au stade Armandie d'Agen, un derby où il n'y a finalement pas eu beaucoup de suspense puisque les protégés d'Hugo Mola ont déroulé avec 8 essais et un joueur est sorti du lot, c'est Gaël Ficou, le 3 quarts centre qui a été rappelé par Jacques Brunel en remplacement de Rémi Lamera qui on le rappelle a été suspendu hein, par le sélectionneur. Et donc Ficou qui a été étincelant comme le prouvent ses 3 essais. Pour les autres résultats, Pau s'est imposé à Brive dans un match étriqué avec finalement une victoire des Béarnais 21-16. Montpellier s'est imposé en patron chez la Lanterne Rouge Oyonnax 43-30, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Puis Castres s'est imposé à la surprise générale à Bordeaux d'un petit point 7-6. Donc ça c'est pour les victoires à l'extérieur. Sinon, Toulon a corrigé le Stade français qui poursuit sa mauvaise dynamique, hein, ouais, le Stade français. 43-5, avec notamment un triplé de Chris Ashton, meilleur marqueur du top 14, 17 essais. Contre 14 pour l'Indolo. Est-ce que tu penses que le Stade français est en danger pour la Pro D2? Ils sont à 4 points si je ne me trompe pas. Ils sont en danger. Alors j'ai le classement sous les yeux, on en parlera peut-être si, un peu après. S'ils comme ça, ils sont à bon droit. 3 points, je crois, non 4 points, je crois, 4 si points. J'ai vu bien si bien ouais, 4 points, c'est ça, t'as raison. 4 points d'Agen qui est premier relégable. Sachant que ça a changé, maintenant le 13e affrontera le vainqueur. Ah oui, c'est vrai qu'en Pro D2, c'est un foutoir pas possible. Si, c'est ça, Romain? Ouais, je crois bien que tu confirmes. C'est ça maintenant. Ouais, donc c'est ça. Ensuite, il y avait aussi une belle affiche, hein, c'est du côté de Gerland, entre Lyon et Clermont, et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, puisque le Loup a croqué l'ASM 36-10, bonus offensif à la clé. Les hommes de Franck Azéma ont quasiment dit adieu à la qualification avec cette nouvelle défaite. Et donc, pour terminer, le match qui a clos cette journée, c'est cette belle affiche entre le 2e et le 3e, puisque le Racing 92 recevait le Stade français à la U Arena, et finalement, ce sont les Franciliens qui s'imposent 19-12. Est-ce que vous croyez une remontada de Clermont au classement? Ça va être compliqué, je pense. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu effectivement Clermont autant en difficulté en championnat. Moi, je commence vraiment à peiner à le croire. Hein. Les mauvaises performances se multiplient. Et je crois que leur priorité, il faut que ce soit vraiment cette Coupe d'Europe. Des fois, comme on dit, à courir deux lièvres à la fois, ils n'ont jamais rien eu. Donc là, il faut tout miser sur cette compétition. Après, on sait que c'est un grand club, donc ils ne laisseront pas non plus, à mon avis, de côté le championnat, mais ça me paraît difficile. J'ai une question, je voudrais revenir sur la performance de Chris Ashton. Pensez-vous qu'il va battre le record de Nalaga au nombre d'essais? Nalaga était à combien? Enfin, je... 21, oui, je pense qu'à ce rythme-là, enfin, en plus, il aura aussi la phase finale à jouer. Ouais. Au passage, Ashton, en fait, quand on y pense, c'est un des rares Anglais qui a vraiment réussi en top 14, hormis sa sainteté Wilco, mais c'est un des rares qui a réussi, donc chapeau à lui. Et pour Clermont, bon, ça c'est, aussi c'est un des rares qui s'est risqué aussi peut-être en top 14. Hein. En effet, oui, oui. Mais les Anglais sont assez casaniers, donc après, la qualité du championnat. Ouais, mais moi, je pense qu'aussi Clermont peut dire adieu déjà à la course pour la phase finale, car on a déjà une grosse tête de peloton qui s'est destinée. Même si la Rochelle tend petit à petit à perdre quelques points, Toulon revient en force, le Racing est bien placé, Lyon confirme, sera qualifié, Lyon confirme. Donc autant dire que Clermont, oui, aurait tout intérêt à tout miser sur la Coupe d'Europe, mais je crois qu'ils joueront le Munster, si je ne me trompe pas. Oui. Ça va pas être mince à faire. Même à Marseille Michelin, ça sera compliqué, surtout que les Irlandais, voilà. Comme habitude de corriger les Français en Coupe d'Europe. Enfin, je ne sais pas. Après, pour autant, on n'a pas vu depuis bien longtemps, clairement, à un tel niveau en Coupe d'Europe. Il y a vraiment deux niveaux très différents de cette équipe entre ce qu'ils produisent en top 14 et lorsqu'ils élèvent leur niveau de jeu en Coupe d'Europe. Et quand on voit les performances, je ne sais pas ce que Paul en pense, mais par exemple contre les Saracens, il y a de bons espoirs quand même pour Clermont en Coupe d'Europe. Il y a de bons espoirs, c'est sûr. Donc est-ce qu'ils n'ont pas intérêt peut-être justement à que se focaliser sur la Coupe d'Europe, sachant que s'ils remportent la Coupe d'Europe, ils se qualifient directement pour la H-Cup l'an prochain, qui est devenu d'ailleurs la Champions Cup. Donc peut-être ce qui leur a coûté cher aussi, c'est qu'ils ont fini tard la saison l'an dernier, ils ont commencé tôt ensuite la saison d'après, donc peut-être qu'il n'y a pas eu le repos qu'a pu avoir Montpellier par exemple cette année. Donc peut-être que ça pourrait leur faire du bien aussi de se reposer pendant les qualifications. Un point sur le classement vite fait. Exact. Donc Montpellier est largement leader, ça fait plaisir, du top 14 avec 68 points, talonné par le Racing qui est à 4 points derrière. Le Racing qui est sur 5 victoires consécutives, hein, et donc du coup donc à 64 points, le Stade Rochelet donc qui a été du coup distancé par le Racing à 60 points, Toulon 4e 48 points, Toulouse pareil 48 points donc 5e, et le Loup et Castres se partagent la 6e place avec 47 points. Et en queue de peloton, c'est Oyonnax qui clôt assez largement la marche et qui quasiment est condamné à la descente avec seulement 14 points. L'important, on est d'accord, c'est d'éviter Castres en phase finale. Ah, c'est vrai que ça nous porte rarement préjudice. Trop souvent. Le Olympique, ouais. Excepté l'année dernière où on a perdu contre le Racing, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc on va passer. Le jeu de paix, de toute façon, c'est phase finale. Au dernier, exactement. Au dernier sport, donc le football. Je sais qu'on va avoir du matière à dire, donc c'est pour ça que j'ai terminé par le foot. On va parler Ligue 1 très très rapidement du coup. Le PSG a gagné 5-2 contre Strasbourg. C'était vendredi, si je me trompe pas, ou samedi. Samedi, ouais, parce qu'ils ont joué en Ligue des Champions, du coup je pense que c'est samedi. Angers Monaco vendredi. A perdu 1-0 contre l'Est Saint-Etienne à domicile. Saint-Etienne qui continue sa remontée. Merci Butel. Je crois qu'il a pas aimé Butel. Donc Nice-Nantes, c'était un match pour l'Europe, hein, donc un partout entre ces deux équipes. Lille-Lyon, c'était deux partout également, donc match nul, alors que Lyon menait 2-0 et se fait reprendre par le LOSC. RAS. Et donc le match du dimanche soir, c'était l'Olympique de Marseille contre Bordeaux, et victoire donc de l'OM 1-0, tarif Marseille minimum. Match moyen. Hein. Match et... moyen, mais les trois points qu'il faut, comme a dit Thauvin, d'ailleurs buteur du match soir-là. Et finalement, pour Montpellier, c'est cool que Nantes et Nice se soient quittés sur un match nul. Exactement, ils sont pas... meilleure des nouvelles. Et c'est la meilleure nouvelle. D'ailleurs, je voulais vous poser une question dessus avant de faire. Je fais juste le classement. Le PSG est premier avec 68 points. Monaco, deuxième, 56. L'OM, 55, juste un point derrière. Lyon qui commence à lâcher un petit peu. Je te dis d'ores et déjà pour la deuxième place, c'est fini. 49 points, du coup, 6 points de retard sur l'OM et 7 sur Monaco. Je pense que Monaco est le meilleur, mais. Et Nantes, pour l'instant, est 5e qui prend la place européenne, 39. Montpellier, juste derrière, 1 point, 38. Rennes, 35. Bordeaux, 35. Nice, 35. Guingamp, 34. Et Saint-Etienne, 33. Donc, la petite question, c'est est-ce que. Enfin, peut-être pas sur Montpellier en particulier, mais qui va aller prendre, selon vous, la. Qui est le mieux armé pour aller prendre, selon vous, la place européenne ? En attendant d'avoir une autre place qualificative peut-être pour la... La place européenne, moi je maintiens ce que j'ai dit, je vois bien Nantes quand continuer son rythme, parce que je trouve qu'ils se sont améliorés dans le jeu. Depuis la deuxième mi-temps contre Paris, il y a plus de progrès dans le jeu, je trouve que c'est assez constant dans les résultats. Mm-hmm. Salah continue de marquer. Au milieu, ce milieu Thomasson, Rongier et l'autre j'ai oublié, Giroto, ça tient la route. Derrière, il y a toujours la rigueur avec Ranieri. Pour moi, ils offrent un peu plus de garanties que Montpellier. Donc, moi, je pense qu'ils sont bien armés pour aller à la 5e place. Et même que Nice, surtout, qui s'était repris et qui est un peu en perte de vitesse de nouveau. Voilà, surtout que Nantes ne joue plus de coupe. Donc, ils n'ont plus que le championnat à jouer. Moi, je pense que Nice va se reprendre à partir de la semaine prochaine. Parce que vu qu'ils vont certainement se faire sortir en Europa League. A priori, oui. C'est qui tout double, ça aussi, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on se fait sortir d'une coupe européenne, il y a peut-être des fois aussi, c'est possible aussi, mais en tout cas, ce qui serait bien dommage, mais s'ils la jouent à fond, donc moi j'imagine le scénario le plus heureux, et qu'ils se font sortir, des fois il y a quand même quelques semaines aussi un peu difficiles après une désillusion, et les résultats je pense reviendront effectivement dans la fin de partie de saison, mais ça peut mettre du temps. Je vais passer, j'aurais bien voulu avoir vos avis à tous, mais je pense que c'est mieux de parler de Champions League parce que c'est plus important pour une fois sur ce. Ouais, un peu moins intéressant que la Liga, mais on va quand même en parler. Juste les résultats de l'Europa League, pareil, on en reparlera surtout la semaine prochaine parce que là c'est les matchs aller, donc on verra surtout les matchs. On sera plus fixé lundi prochain. Exactement, donc Marseille 3-0 contre Braga, Nice qui perd à domicile 2-3 contre Lokomotiv Moscou. En menant 2-0, non ? En menant, Nantes 2-0. Ouais, il y a eu un carton rouge d'ailleurs. Pour, je crois. Non, ouais. Doublé de Belotti. Et un triplé en face. Et Lyon donc qui gagne 3 buts à 1 contre Villarreal. Donc en Champions League, on va parler surtout de deux matchs, voire un par rapport au temps. Porto qui s'incline lourdement à domicile, 5-0 contre Liverpool. Donc Liverpool en quart. Liverpool en quart, et Liverpool très surprenant cette année. Et les Anglais très très chauds. Et les clubs portugais très mal. Ouais, très mal. Les Anglais très très chauds, puisque City a gagné 4-0 donc contre Bâle, encore à l'extérieur aussi, donc les clubs anglais mettent des tolls, et en plus à l'extérieur. Et donc Juventus Tottenham, c'était un gros match aussi avec un club anglais, et Tottenham, qui a fait quand même le taf, puisque deux partout entre ces deux équipes, et Tottenham qui est un petit peu En ballotage favorable sur ce match. Après la Juve au retour va récupérer un certain nombre d'absents, notamment Dybala, Khedira, donc à voir. Dybala en méforme, donc peut-être. Dybala qui ne fait plus rien, enfin entre guillemets, depuis le mois de novembre, il avait connu un début de saison absolument fabuleux. Ouais, c'est et depuis le mois de novembre, il a alterné à la fois des blessés, de blessures, et aussi un comportement plus que douteux sur le terrain, où on l'envoyait des fois à l'étranger, etc. Moi je pense que pour Tottenham, la plus grosse moitié du chemin a déjà été faite. Les bouger à Wembley, moi j'y crois peu pour la Juve. Après, bon, on sait que la Juve, ça, c'est plutôt une équipe du genre à faire. T'as dit, tu crois peu ou un peu? J'y crois peu. Désolé. Non, désolé. D'accord. Non, mais dans ce cas, et quand on y croit peu, on y croit un peu, quoi. Mais pas beaucoup. J'y crois beaucoup. Finalement. Pour reprendre mes propos, j'y crois beaucoup pour Tottenham, mais peu pour la Juve, même si on a été habitué avec les Italiens à ce qu'ils décident d'une confrontation comme ça, 1-0 à l'extérieur. Donc, je pense que ça sera difficile pour eux malgré tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il les prolonge, moi, tu vois. On va concentrer nos efforts sur le dernier match, à savoir Real Madrid, qui gagne 3 buts à 1 contre le PSG. Donc le PSG qui avait plutôt un bon résultat, hein, jusqu'à la 80e minute. Et puis, ben, qui craque. Parce que quelles sont les raisons de ce craquage à la 80e minute? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne sont pas encore assez expérimentés? Bon, moi, j'y crois pas personnellement. Non, je pense quand même l'expérience. Le coaching, peut-être. L'expérience de ce groupe, parce que Neymar, Bersic, c'est arrivé cette année. Ce sont pas des leaders du groupe déjà. Ouais, mais c'est quand même des mecs expérimentés avec des aussi, champions. Il y a un poste, le poste de sentinelle. J'aurais tenté le coup, la Sanadiara. J'aurais pas mis ses sous. Non mais voilà, moi je suis d'accord sur ça. Pour moi, il y a deux paramètres sur lesquels le pari a failli. C'est l'aspect tactique où Emery n'a pas su réagir. Et ensuite, c'est un aspect mental. Quand tu tiens le match, quand tu as fait cette qualité de jeu pendant 80 minutes, faire ces 10 dernières minutes et craquer de la sorte, il y a une fissure mentale dans cette équipe. Et bon, c'est pas nouveau. Hein. Et pour toi, tu penses que tu parlais de coaching, est-ce que tu crois que la rentrée de Meunier a plombé le PSG? Parce que je pense que si on en était resté à un partout, je pense que Meunier, justement, le coaching de Emery aurait pu être salué. Ouais, d'accord, ça je peux le comprendre, mais le truc c'est que tu fais rentrer Meunier à la place de Cavani, qui est ton buteur providentiel, qui peut toujours en planter un. Et je pense que c'est illogique. Cavani qui sorte en fait, parce que Cavani a un abattage défensif aussi. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui défend. Et c'est vrai que c'est Cavani plutôt le problème. Mais je pense t'envoies un message clair à l'équipe, t'envoies un message, les gars, on va défendre. C'est-à-dire, on va passer à 5 derrière, les gars, on va se mettre en mode défense. Alors que je pense que Paris avait la place de mettre un deuxième. Après, c'est là d'ambition. Où on voit que le coaching suffit à peu. C'est-à-dire que je crois que c'est vers la 80e minute où Ramos fait un sauvetage, enfin, avant les deux buts du Real à la fin, fait un sauvetage énorme. Varane, non, sur équipe MB, tu veux dire? Ouais, je crois que c'est Kimpembe qui... Je crois que c'est Varane qui... Ah, c'est Varane qui sort. Ouais, j'ai un petit doute. Bon, à vérifier en tout cas, et il y a une grosse occasion pour Paris, et puis bon, s'il y a but, je veux dire, le coaching d'Emery, même si pour moi j'ai trouvé un peu brimbalant... Déjà, Lo Celso, Lo Celso, c'est trop faible pour la Ligue des Champions, tu peux Après, pas. Qui d'autre? C'est plus ça aussi, j'ai le même avis que Flo, c'est-à-dire que, bon, la Sanadiara, effectivement, il y en a plein qui le voyaient éventuellement titulaire, parce que c'est le seul qui a vraiment le poste associé de sentinelle. Après, l'imaginer prêt pour un tel match, alors bon, certains ont dit oui, il connaît bien le Real Madrid. Ouais, bon, ça me fait un peu rire parce que, non, mais parce que tu connais déjà l'équipe d'il y a un moment, que tu vas être capable dans un grand match comme ça d'élever ton niveau, c'est sûr, au niveau de Champions League aussi. Mais après, c'est une évidence de faiblesse de ce côté là de priorité de recrutement. C'est à dire que par contre, Lo Celso, c'est trop tendre pour ce niveau là et surtout ce n'est pas son poste, effectivement. C'est un 8 Lo Celso, ben, c'est un bon 8 en parce qu'il n'y a que deux solutions au final, c'est mettre Diarra ou c'est jouer offensif avec Pastore. Tu peux mettre Rabiot. Oui, et puis moi je trouve quand même que qui ne veut pas jouer à ce poste, c'est plus très un souci. Je trouve que l'équipe de Paris a montré aussi encore une fois ses faiblesses de manière assez flagrante. Bon, surtout parce qu'on avait le Real Madrid en face aussi, qu'on enterrait un peu trop vite, mais comme d'habitude, à partir du mois de février, c'est là où on voit la vraie qualité de ces joueurs-là. C'est que déjà le gars, bon, Areola, je suis désolé, mais c'est pas le niveau de l'équipe. C'est pas le niveau du tout. Le milieu il fait un gros match quand même sur il fait une deuxième mi-temps catastrophique. Moi je l'ai pas trouvé très bon. Après ce qui m'a paru le plus scandaleux aussi, au-delà du coaching d'Emery, je trouve un peu dur avec Aero là, parce que il y a eu des grosses réactions sur son bon match d'ailleurs. Alors c'est que vous voyez pas les matchs de Paris en championnat, parce que c'est encore plus compliqué. Bah, les deux buts qu'il prend contre Strasbourg là, ouais. Non, mon championnat c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, mais il est nul Areola. Bah, le milieu de terrain aussi. Bon, après, évidemment, en face de toi, t'avais Kroos et Modric qui ont aligné une superbe partie. Mais Verratti, gros point faible. Verratti qui pour moi était le pire parisien. Comme l'année dernière face au Barça, inexistant. Voilà, et quant au coaching d'Emery, je suis désolé, mais ce passé de Draxler et Di Maria, que tu ne les fasses pas rentrer au moment où t'es dominé, etc. Et tu fais sortir Cavani pour faire rentrer Meunier, ça témoigne d'une frilosité absolument. S'il y en a bien à titulariser, c'était bien Di Maria d'ailleurs pour moi. Moi je suis d'accord. Il connaissait bien le Real. Moi je l'aurais mis au Lui il le connaissait bien, mais réellement. Et il avait le niveau pour ce match surtout. Et puis il y a une chose quand même, mention spéciale à l'adversaire, mention spéciale à Keylor Navas qui a fait quand même deux parades décisives. C'est assez étonnant parce que Paris aussi est une équipe qui est tournée vers l'offensive. Et c'est bizarre d'aligner, de mettre justement Lo Celso en sentinelle, alors que justement t'as une équipe qui est faite pour aller de l'avant avec des mecs comme Pastore, comme Di Maria, comme Draxler. Et finalement, tu t'en sers c'est pas. Ce complexe d'infériorité, peut-être, de façon réelle. Est-ce qu'Emery a eu les pétoches de. Ouais, je pense, oui. De prendre une marée au Real et du coup a voulu assurer un match nul ou au pire une petite défaite en alignant justement Lo Celso, Verratti. Pourtant, il a aligné Kimpembe et Merchich. Voilà. Enfin, Thiago Silva qui offensivement apporte plus que Kimpembe. Lo Celso, offensivement, c'est pas non plus le meilleur. Alors que t'as des mecs comme. Moi, j'adore Pastore, donc. Qui vont vers l'avant. Di Maria qui est en plus en pleine forme. C'est vrai que c'est assez étrange. Très bien. Après, j'ai beau être supporter de Real et forcément, à l'inverse, assez satisfait de ce résultat. T'inquiète pas, moi aussi. Hein. Voilà, tu as bien raison. On sent les, la solidarité lyonnaise dans cette histoire. Pour autant, rien n'est fini, vraiment. Ce match retour s'annonce vraiment très dur, pour le dur et je pense assez épique. Je pense que ça va être un match vraiment intéressant à suivre, avec beaucoup de qualité des deux côtés. Pour autant, effectivement, arriver à prendre le Real, ce sera pas simple pour Paris. Et je pense qu'il y a ce but de trop peut-être qui va aller dans le sens du Real Madrid. Puis surtout, moi, je vois pas Paris ne pas en prendre un, quoi. Ouais. Puis Marcelo sera absent. Marcelo absent et Kroos sans doute aussi. Donc ça, c'est les difficultés pour le Real Madrid. On va peut-être parler un peu de l'inexpérience du Paris Saint-Germain, mais on a trouvé quand même un Real pas non plus au niveau des années précédentes. Ils ont gagné sans problème. Mais on le savait déjà. Par contre, on voit que les joueurs offensifs sont capables de rehausser aussi leur niveau de jeu pour être décisifs à ces moments-là, comme Cristiano Ronaldo qui est déjà d'ailleurs, en grande difficulté hier contre Betis Sevilla. Ils ont gagné 5-3, mais en étant mené 2-1. Mais ils remettent des buts. Et Benzema a marqué. Nickel, on va terminer sur Karim Benzema. Donc avant de faire notre première pause musicale, c'est le titre God's Plan et c'est Drake. I've been moving calm, no sign of trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me, yeah. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that'll live me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan, God's plan, yeah. I hold back sometimes, I won't, yeah. I feel good sometimes, I don't, yeah, I don't, yeah. I finesse on Western Road, yeah. Might go down on G-O-D, G-O-D. I go hard and such a G, yeah, wait. I make sure the noise I leave, I make sure the noise I leave. It's still bad things, there's a lot of bad things. If they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. If they wish and wish on me. Bad things, there's a lot of bad things. If they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81 to bring the crushes to the party. And you know me, turn the old tune to the old three dog. With a 40 alley, they been know me. Imagine if I never met the Broskis. God's plan, God's plan. I can do this on my own, baby, no. Someone watching this shit close, yeah, close, yeah. I've been missing Skull and Road, baby, yeah. Might go down on G-O-D, G-O-D. I go hard and stop, so G, yeah, wait. I make sure the noise I leave, I make sure that it's still bad things, there's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah, yeah. Bad things, there's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and they make. Bad things. De retour sur Sport and Chill, c'était Drake et c'était le titre God's Plan, un peu planifié. Sorti il y a 3 semaines. Hein. Planifié par Tim, comme d'habitude. On va passer au jingle Olympics. Voilà, donc le jingle de Spot Télé, en fait. On a les oreilles qui saignent encore. Ça a bien fait rire la technique, en tout cas. Je laisse Romain, parce que là, je lui ai donné un temps énorme. J'ai l'impression qu'il a mémoire devant, moi, en fait, c'est ses notes. Il a mémoire, exactement. Sans mes notes, mais tu sais, Tim, il y a des noms compliqués à dire ce soir. Donc il veut c'est pas faux. Voilà. Et puis, tu sais qu'il y en a. Il y a eu de l'épreuve, quoi, comme on dit. Du coup, je me place en total chroniqueur et je te laisse gérer. Je pense que ça va te faire plaisir un peu. Tu vas pouvoir réagir comme ça. Ça va changer aussi. Je vais pouvoir perdre du temps, en fait, ça sur l'émission, allez. Ouais, n'exagérons rien non plus. Hein. Je t'en prie. Tu m'as fixé un objectif. Donc, on va tout d'abord démarrer peut-être avec un petit récap très rapide sur le tableau des médailles pour dire tout simplement que après une semaine, donc à mi-parcours finalement, ces JO d'hiver de Pyeongchang, c'est la Norvège qui domine le classement des médailles et qui vient de prendre depuis hier, je crois, la tête de ce classement devant l'Allemagne. L'Allemagne qui est en train de réaliser aussi un très très beau bilan dans ces JO. Et puis la Norvège est quand même remarquable, hein. On pourra donner le bilan français derrière, mais bien sûr c'est sans commune mesure. Bah, ils ont un tel vivier en fait dans tous les sports que c'est pas super étonnant finalement. Voilà. Et c'est ce qu'on pourra dire aussi sur la France, mais bon, plutôt la semaine prochaine il y a des épreuves où on est moins représenté, où donc forcément mais notre potentiel de médaille est plus faible que la Norvège, qui est donc déjà à 28 médailles, dont 11 médailles d'or. Ah ouais, donc c'est vraiment considérable, et domine ce classement donc devant l'Allemagne et le Canada, donc finalement des nations assez classiques et habituées nordiques, aux accessites aux JO d'hiver. Concernant la France, mais on en est finalement déjà on peut dire déjà, on a eu un peu peur en fin de semaine, mais déjà à 10 médailles, ce qui est plutôt un beau total à mi-parcours, à dire que la France espère autour de 20 médailles, mais que le record est celui de Sochi qui était de 15, donc on est plutôt sur des bases solides, rien d'exceptionnel, mais c'est pas mal pour nos Français. Et effectivement, ça a été une semaine, je pense, entre frustration et puis des grands moments de joie, et surtout une performance magistrale pour terminer la semaine de notre Martin Fourcade national. Dont on pourra reparler, je pense que c'est toute la magie des jeux, et on risque de le revoir dans le relais, mais ce sera notre peut-être discussion autour du biathlon sur les chances françaises ou non dans cette discipline. Donc on va peut-être commencer par le ski alpin, parce qu'on n'a pas pu en parler la semaine dernière. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'annulations, plutôt de reports de courses au vu des conditions météo, et la première épreuve finalement, contre toute attente, a été le combiné masculin, qui est une épreuve qui a amené éventuellement à disparaître en plus des JO, et il a été remporté par le roi, sans doute le roi de ces JO en ski alpin, qui est clairement la discipline reine. C'est Marcel Hirscher qui a remporté ce combiné devant deux Français, donc ça, petit coco Rico, qui sont Alexis Peintureau et Victor Mufajandé. D'ailleurs, il redresse un petit peu le classement de l'Autriche, parce que alors je sais pas, l'Autriche n'est pas très bien partie. Ouais, voilà, je suis pas un expert des sports d'hiver comme toi, mais j'ai l'impression que l'Autriche est un peu en dedans dans ces Jeux Olympiques. L'Autriche fait souvent son bilan sur le ski alpin, hein, très clairement. Ouais. Ils sont un peu comme les Néerlandais pour le patinage de vitesse. C'est le pays qui glane le plus de médailles en ski alpin. Il reste encore pas mal d'épreuves, donc leur bilan risque d'augmenter sans aucun problème, notamment grâce à Marcel Hirscher. Mais il y a des disciplines où ils ont un petit peu déçu, tu as raison, ils ont glané quelques petites médailles par-ci par-là, mais c'est pas l'Autriche non plus des grandes années, donc heureusement qu'ils ont un champion comme celui-ci pour aller plus loin. On a eu ensuite la descente, donc la descente homme, juste à dire effectivement le combiné pour ceux qui sont pas connaisseurs, justement c'est une manche de descente, une manche de slalom, donc a suivi derrière la descente avec une belle victoire et un doublé même norvégien, la victoire d'Axel Lundsvindal qui s'est imposé devant Ketil Jansrud et Beat Feuz, celui dont on a tant parlé, qui est leader dit, de la coup, coupe du monde maintenant. De descente, il est quoi les nationalités, qui est suisse et qui a fait la médaille de bronze, donc pas une surprise non plus, hein, c'est vraiment un podium de haut niveau. Et puis pour les Français qui voulaient faire honneur notamment à David Poisson, dont on avait parlé, qui est décédé tragiquement il y a quelques semaines, c'est Brice Roger qui finit meilleur Français, 8e, ce qui est plutôt une perf à son niveau, quoi. Dernièrement il était autour du top 10. Il y a une petite polémique avec le CIO et les Français qui voulaient mettre un hommage à David Poisson sur leur casque, un autocollant sur leur casque, et le CIO a refusé, ouais. Ce qui a un peu déçu les Français, parce que effectivement, il faut faire attention à ce qu'on peut mettre, et notamment il faut qu'il n'y ait rien qui puisse être à nature commerciale, publicitaire, mais là ce n'était pas le cas, donc ils n'ont pas vraiment compris cette interdiction. Petite mention spéciale quand même à Svindal, quand même 35 ans, champion olympique. Oui, Arthur Svindal, un grand sportif norvégien et qui est en train de marquer son sport, et sans doute un des plus grands effectivement dans les disciplines de vitesse, oui. Ça, je pense qu'on peut le dire. Et ensuite, ben, pour enchaîner avec les disciplines de vitesse, hein, tant qu'on y est, il y a eu le Super G, donc voilà, qui est une épreuve un peu plus technique que la descente, hein, où on prend un peu moins de vitesse, mais qui est aussi très cotée. Et la victoire est venue pour Matthias Maier, donc un Autrichien. On parlait des Autrichiens devant Feuys et Jens Ruth, qui étaient déjà donc sur le podium, mais position inversée sur la descente. Donc Matthias Maier, c'est aussi un habitué, mais voilà, on attendait notamment une médaille d'or olympique pour Feuys. Ça fait une médaille d'argent, une médaille de bronze, qui est quand même un beau bilan, mais il n'aura pas tapé dans le mille pour le leader des disciplines de vitesse de la Coupe du Monde. Et côté français, bah, c'est la belle perf. On aurait presque pu avoir une surprise, sachant que Blaise Giesendanner, qui est pourtant un skieur pas si connu, en tout cas pas connu du grand public, a fait une quatrième place sur ce Super G. Donc plutôt une belle perf, mais on le sait, aux Jeux Olympiques, seul le podium compte, en tout cas sur les tablettes. C'est intéressant de savoir les sportifs quand même ce qu'ils pensent de la quatrième place, parce qu'il y en a, ils sont satisfaits de la quatrième place. Ouais, par exemple, en ski de fond, là, il y a un Finlandais qui a fini quatrième, qui a l'air heureux. Ah ouais. Donc, bah ça dépend de la position, mais aussi de la personnalité, parce qu'il y en a, ils ont beau être mal classés, même si ils sont quatrième et qu'ils font une belle course par rapport à d'habitude, ouais, voilà, ils sont quand même. Ouais, je pense. Ouais, bon, voilà, je te laisse continuer. Clairement. Mais on va peut-être continuer tout simplement avec le Super G féminin, parce que celui-là, je pense, est porteur d'une anecdote assez incroyable. Vainqueur de ce Super G féminin, championne olympique, Esther Ledecka. Esther Ledecka, très peu connue du grand public aussi, dans les disciplines en tout cas de ski, mais déjà double championne du monde de snowboard. Et qui est devenue donc championne olympique de ski alpin en Super G. Il n'y a plus rien à prouver, comme on dit. On risque de la voir, effectivement. Normalement, sa participation a été confirmée dans les épreuves de snowboard. Donc, c'est extrêmement atypique de vivre ça dans les mêmes Jeux olympiques. Et puis, très surprenante, parce qu'elle avait le dossard 26, qui est normalement un dossard très loin pour réaliser une perf en Super G. Donc quasiment Anna Veit-Fenninger, qui a été en plus championne olympique il y a 4 ans, était en train de fêter son titre, une petite Autrichienne. Et elle est battue pour un centième, et même Esther Ledecka elle-même n'y croyait pas, a demandé plusieurs fois si elle n'avait pas raté une porte ou s'il n'y avait pas une erreur sur le chrono, mais non, c'est bien elle, la championne olympique. Elle a demandé ça à sa mère, si elle n'avait pas raté une porte. C'est vrai que c'est marrant. C'est quand même une sacrée anecdote. Première française, par contre, assez loin. C'est Romane Miradoli, 19e. Mais on savait que chez les féminines, tout allait reposer sur Tessa Worley. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait non plus pour Tessa Worley, qui, sur le slalom géant, ne fait que 7e. Surtout auteur d'une première manche, pas catastrophique, mais en dessous de son niveau, seulement 14e. Donc c'était vraiment très difficile pour remonter sur le podium. Et c'est la reine du ski alpin féminin actuel qui l'a emporté, c'est Michaela Schifrin, l'américaine. Est-ce qu'elle a d'autres possibilités d'aller chercher un podium, Tessa Worley? Parce que je crois que ces disciplines de prédilection sont déjà passées, non? La seule possibilité pour Tessa Worley maintenant, ça va être le team event, qui est la nouvelle discipline de ces Jeux Olympiques, qui est une épreuve par équipe, où il y a deux garçons, deux filles, donc a priori il y aura bien sûr Tessa Worley chez les féminines, où normalement la France est championne du monde, donc a une possibilité en tout cas de médaille. Même si on pourra en parler, il y a un des membres de cette équipe qui a été prié de rentrer chez lui aujourd'hui. Mais voilà, c'est la seule chance pour Tessa Worley en individuel. Voilà, c'était vraiment le slalom géant, sa chance. Et derrière, elle a aussi participé, je crois, au Super G. C'était au Super G. Et elle a fini assez loin. Donc en individuel, ce sera, sera pas possible pour elle. JO, et c'est un peu une déception, parce qu'effectivement, on l'attendait au moins médaillée sur ces JO. Enfin, donc le slalom, on va terminer donc sur les deux dernières disciplines. Alors on est chez les filles, donc on va dire le slalom féminin. C'est Schifrin, donc, qui était attendu dans ces deux disciplines et qui a perdu finalement son titre dans sa discipline de prédilection, malade visiblement, et puis surtout en difficulté, parce que vu les conditions météo, se retrouve à enchaîner les disciplines beaucoup plus vite que prévu. Donc après avoir remporté un titre olympique, le lendemain elle était en lice pour essayer de récupérer son titre d'il y a 4 ans, et elle finit seulement 4e au pied du podium. Et c'est une surprise, une outsider, Fridans Dotter, qui est une Suédoise, qui remporte le titre olympique. Et puis venons maintenant à notre médaille, notre autre médaille en ski alpin, c'est Alexis Pinturo qui sur le slalom géant a fait une belle performance en finissant troisième. Alors on sait qu'à un moment on espérait vraiment des titres olympiques aussi pour Alexis Pinturo, ça pourrait venir un jour, mais voilà, il finit derrière Henrik Kristoffersen et surtout Marcel Hirscher qui remporte son deuxième titre olympique. Ce sont les patrons de cette discipline. Mais plus d'une seconde je crois Hirscher sur Kristoffersen. Ouais. Par contre Pinturo finit à 400e, donc voilà, mais il nourrit pas de regrets à l'arrivée. Il est vraiment content de sa performance et je peux le comprendre. Et beau tir groupé des Français d'ailleurs qui font 5, 6 et 7, même si justement Mathieu Febvre s'est montré très déçu de la 7ème place et ça s'est mal terminé pour lui parce que, au vu de ses propos qui sont. On peut en parler un petit peu. Voilà, ses propos, je pense, ils dépendent vraiment de. Comment dire de. C'est un moment présent, il est très déçu de sa performance, mais c'est vrai qu'il tient des propos où clairement il dit que la performance d'équipe, il s'en fout, qu'il était là pour lui et pour arriver à faire un podium, ce qui a été mal perçu. Oui. Je pense qu'il n'y a pas eu que ça, c'est pas possible. Le tir groupé des Français, si vous saviez ce que j'en ai à faire, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Je suis là pour ma pomme, pour faire ma course. C'est ce qu'il a déclaré. Bon, c'est sûr que c'est un peu. C'est un peu direct. C'est pas très délicat de sortir ça comme ça. Ouais. Je pense que c'est la frustration qui. C'est la frustration, mais à mon avis, s'il a ces propos-là, c'est aussi qu'il s'est peut-être passé quelque chose en interne et qu'on ne sait pas, parce que pour se faire exclure comme ça des JO, qui rentre à Paris là, il se prépare pour la prochaine étape. Kranjskagora, début mars. Ce qui a été dit début mars, donc c'est un peu dur d'ailleurs quand on entend l'entraîneur de l'équipe de France. Enfin, je crois que c'est l'entraîneur, ça je suis pas sûr. Ouais. Chastan, qui dit que voilà, il va pouvoir se préparer tranquillement pour le prochain slalom géant. C'est pour ça que ça me laisse penser qu'il y a un problème interne qui n'a pas été dit et qui va sûrement rester caché et secret, parce que qui tienne des propos comme ça, je m'en fous des autres. Moi, je me concentre que sur moi. C'est pas cool quoi. Alors je veux bien qu'il soit concentré sur lui-même etc, mais à un moment donné peut-être tu il montre à la fois qu'il est un gagneur, mais en termes de voilà, quand tu fais partie d'une équipe voilà, c'est un sport individuel, mais en plus lui, il est membre de l'équipe, donc c'est voilà, à dire de il sait qui très bien qu'en disant ça il est filmé, qu'il y a des nombreux téléspectateurs qui le regardent, donc puis surtout les courses qui restent, c'est surtout la course par équipe, donc comme chance française, si on a besoin d'une unité, c'est bien ce moment là si on doit parler d'ailleurs de chance française, c'est le team event, accessoirement peut-être le slalom, mais voilà, c'est sûr que c'est quand on a une équipe de France qui a été championne du monde dans cette discipline. Alors ça veut rien dire pour la suite, mais c'est pas très bon de voir un épisode comme celui-ci se produire, je pense. C'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour sur le ski alpin, on va peut-être enchaîner, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts si on n'est plus dans le timing ensuite, et parler de biathlon, je pense que ça va ravir tout le monde, parce que je sais que c'est une discipline qui est de plus en plus appréciée par le public, et notamment le public français, à la fois parce qu'on a un grand champion, mais aussi parce que c'est très agréable et palpitant à suivre. C'est varié. Et ça a été une semaine contrastée, mais finalement conclue par un grand bonheur, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et puis c'était un grand moment de sport et de télévision. Par du grand stress surtout. Et de stress, clairement, avec cette Mastart. Après une individuelle plus décevante, à deux doigts du titre olympique, deux fautes sur les deux derniers tirs pour Martin Fourcade et le titre lui échappe. Il était très énervé devant les journalistes et là on a senti pour le coup le champion touché dans son ego et touché dans son ego et qui voilà, voulait faire beaucoup mieux et trouvait que c'était une erreur de débutant. Il s'est rattrapé de fort belle manière en l'emportant devant Simon Schemp à la photo finish après 15 km sur la Mastart. Il est très lucide d'ailleurs dans ses propos quand il perd ou quand il gagne. C'est vrai que c'était une erreur de débutant. Sauf quand il croit qu'il a perdu alors qu'il a gagné, quoi. Ça c'est peut-être mais le. Mais même un sur peu les images, dédouané, c'est quoi. Vraiment difficile. Hein. Moi, quand j'ai revu l'image de face, j'ai l'impression que c'est lui qui perd alors qu'en fait, non. Ouais, non, mais il y a. C'est le remake de Sochi en fait. Oui, en plus c'est le remake de Sochi, donc c'est là où l'histoire est assez belle et aurait pu être plutôt tragique. C'est qu'il a perdu la Mastart il y a 4 ans à Sochi pour une photo finish aussi face à Emil Svensson, d'ailleurs qui fait 3e podium donc, sur cette Mastart. Parce que c'est les Allemands qui sont derrière avec. Je crois qu'ils sont. Ils sont c'est Simon Schemp 2e et Doll 3e. Ouais, sans doute les favoris c'est d'ailleurs. Et Benedikt Doll, au passage, grosse performance de la délégation allemande en biathlon, car Pfeiffer avait gagné le sprint. Oui. Et là, ils arrivent encore une fois à placer Schemp, Doll et, et je crois qu'un autre Allemand est passé loin derrière. Lesser, voilà. qui rate, donc, qui est pas loin aussi du podium et qui se rate un peu sur le tir et ce qui le fait sortir du podium en réalité. Voilà. Après, grosse perf des Allemands, mais déception je pense de leur part sur la mass start, parce que voilà, quand t'es à deux doigts du titre olympique et que tu fais deuxième, et en plus derrière que tu perds le sprint contre Svensson et que tu fais quatrième au lieu de trois, voilà, le bilan se retourne un petit peu, mais voilà, parlant des Allemands, s'il y en a une qui a fait une semaine assez incroyable, c'est Laura Dallmayr, qui a marqué cette semaine en biathlon, auteur de deux titres, hein, le sprint et la poursuite d'affilée, derrière médaillée de bronze sur l'individuel, derrière la surprise Öberg, la suédoise qui finit championne olympique, et Anastasia Kuzmina, vainqueur quelques jours plus tard de la Master. Surtout elle, plutôt, qui a marqué la semaine pour et moi. Qui a marqué aussi la semaine, tu peux le dire, parce qu'effectivement on note les deux titres olympiques de Dallmayr et cette médaille de bronze, mais Kuzmina c'est aussi deux médailles d'argent et une médaille d'or, et puis de fort belle manière sur cette Master qu'elle a dominée du début à la fin. La tête aux épaules. Voilà. Un regret chez les filles, bien sûr, c'est nos filles à nous, françaises, qui ont été là que pour les places d'honneur, et souvent qu'une un peu bien placé, j'ai envie de dire Marie Dorin, c'est pas si mal sa 9e place sur la Mastart. Il y a eu une 4e place aussi de sa part, bon, c'était bien plus tôt, hein, sur la première épreuve lors du sprint. Qu'une médaille chez les filles, hein, au final. Une médaille chez les filles. Après, moi, tu vois, la seule médaille, c'est pas ce qui me dérange, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt dans la globalité, quoi. Voilà, la globalité et les grosses défaillances. Voilà, t'as pas trop de performances. On a une Justine finalement. Brezaz, par exemple, qui a totalement disparu. Et puis, je crois qu'il y a une épreuve, c'est l'individuel où la meilleure perf, c'est Anaïs Chevalier qui est quasiment 30e. C'est un peu dur, et voilà, on voit qu'une lacune de cette équipe de France, c'est de beaucoup dépendre de Martin Fourcade, une lacune ou d'un des exploit d'un jour, et sur les relais, qui est normalement une discipline forte pour nous, ce sera difficile. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on pouvait légitimement espérer de la part de la délégation féminine du biathlon avant le début de la compétition? Moi je pense qu'on s'en sort pas si mal, effectivement, c'est-à-dire qu'une médaille, c'était un peu sur ce sur quoi on tablait. Justine Brezaz était déjà moins bien en forme. Alors, Anaïs Bescon a fait sa première médaille olympique, c'est pas mal. Après, effectivement, ça compte pas comptablement, mais j'aurais aimé plus de places d'honneur. Après, ouais, surtout que c'est Brezaz qui avait gagné la première Mastart de la saison, je crois. Donc, elle fait une très bonne début de saison, puisque je crois au bout de un ou deux mois, elle est dans les top 3, si ce n'est une fois, je crois, première du classement général de biathlon féminin. Et c'est vrai que là, malheureusement, c'est un peu plus ça dur. Pour pas, ouais. Ouais. Bah, c'est surtout le tir qui a été défaillant, quoi. Ouais, oui, c'est vraiment le tir qui a été défaillant. C'est vraiment un tir groupé, hein, sans jeu de mots, chez les femmes. C'est vraiment tout le monde qui a foiré, si vous me permettez l'expression. Martin Fourcade, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. C'est parce que si on regarde, c'est pas beaucoup mieux, hein, pour le tir chez les hommes. Hein. Antonin Grosdéception, sur la Mastart, t'es pas si mal parti. Et c'est 15 sur 20 aussi au tir, c'est faible. Grosdéception, surtout, c'est Quentin Fillon-Maillet quand même. Quentin Fillon-Maillet, très loin, 29e avant-dernier sur la Mastart. Lui, il était tout de même outsider pour des places peut-être d'honneur, comme tu disais. Voire même un podium. Même un podium. Ouais, carrément. Donc c'est une grosse déception. Ouais, et puis il y en a un qui a été le roi des contrastes aussi jusqu'à présent sur ces JO, mais il est norvégien, c'est Johannes Bø, auteur d'une performance quand même, hein, incroyable en individuel malgré deux fautes, et qui va chercher la médaille d'or, et par contre qui a été quasi inexistant, et notamment avec beaucoup de fautes au tir sur toutes les Ouais, qui se rate au troisième tir sur le tir debout, il s'est complètement foiré, ça lui tue sa course, après il essaye de revenir mais c'est trop tard. Ça tue sa course parce que, pardon, juste sur le ski, c'est le meilleur quand c'est quand Fourcade finit 5e, c'est pas la poursuite, c'était à l'individuel. Exactement. Johannes met 44 secondes à Fourcade sur les skis. Alors que Fourcade était considéré comme l'un des meilleurs sur les skis. Très fort, ouais, enfin, au niveau du tir, même en individuel, je crois qu'il avait raté pas mal, un peu comme tous les Norvégiens depuis le début, qui ont tout misé sur les skis, et puis qui ont eu de gros déchets. Je crois que Bø a fini avec 3 ou 4 tirs ratés, je crois, la dernière épreuve. Qui est le frère Tarier? Non, Johannes. Au moins 3. Il a fini bien 15e, 16e du classement, je crois, et Tarier a fini devant lui d'ailleurs. Et pour le moment, on verra sur les relais où ils seront sans doute beaucoup plus forts, mais effectivement, la Norvège est un peu une déception, non pas sur les jeux où ils sont remarquables, mais en biathlon. Contrairement aux Allemands, quand même, qui font. Une moisson et des Jeux Olympiques au-dessus même de leur niveau, j'ai envie de le dire. Et puis bon, on commence à parler de ski et de bon en fond, on va peut-être enchaîner pour avoir le temps avec le ski de fond et la belle performance française du week-end. J'ai envie de commencer par là parce qu'il y a eu une déception, on a eu les larmes, je le dis quand même, de Maurice Magnifica, dont on espérait même un titre olympique et qui fait 5e. C'est Dario Colonia qui l'emporte sur le 15 km libre devant Krüger et Spitzov, qui sont deux sacrés skieurs aussi. Dario Colonia, juste avant d'arriver à notre relais masculin, qui fait une performance aussi remarquable, il faut le dire, ce Suisse, parce qu'il est désormais quadruple champion olympique, comme Martin Fourcade finalement, mais après Vancouver et deux titres à Sochi, un nouveau titre, donc sur trois Olympiades différentes, c'est une performance remarquable de sa part. Mais nos Français, on peut être content, parce que si on a été déçu de la 5e place de Maurice Magnifica, ce week-end, ils vont chercher une médaille de bronze sur le relais, ce qu'ils avaient déjà fait à Sochi, mais surtout en étant très très proche des meilleurs. Moi, j'ai regardé cette course et j'ai vibré jusqu'au bout, alors que c'est une discipline que je suis pas toujours avec beaucoup d'assiduité, et en plus je trouve que ce sont des mecs extrêmement authentiques, attachants et modèles de courage. Donc je voulais les citer, Adrien Backscheider, qui a été donc le dernier relayeur, mais surtout j'ai envie de dire Clément Paris, le jeune Clément Paris, qui a été incroyable, capable de lutter face à Krüger, qui a été multiple médaillé sur ces jeux pour la Norvège. Et d'ailleurs, paraît-il que les journalistes norvégiens demandaient aux Français, mais c'est qui ce jeune, on l'a jamais vu, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Et on a lutté jusqu'au bout, bien lancé aussi par Maurice Magnifica et l'ancien Jean-Marc Gaillard, et on a été jusqu'au dernier tour avec le Norvégien Klebe, qui a joué un peu au chat et la souris avec nous, quitte à faire revenir le Russe Spitzov. On finit derrière la Norvège et la Russie, et devant la Finlande, et devant la Finlande, devant la Suède également. Et l'Italie, qui a totalement craqué après un bon début de course. Cette équipe de France a été magnifique pour aller chercher une médaille de bronze qui parfois peut nous décevoir, mais qui celle-ci vaut quasiment de l'or pour nos Français, je pense on peut le dire. Donc vraiment bravo à eux. Côté individuel, rien à noter de particulier pour les Français. Moi, je vais juste citer un titre pour pouvoir parler de la suite. C'est le Norvégien, on en parlait de ces Norvégiens, Johannes Klebe, qui remporte le sprint classique en ski de fond devant l'Italien Pellegrino et Bolshunov, le Russe, qui sont donc des skieurs d'ailleurs qu'on a eu l'occasion de voir dans ce fameux relais. Et pourquoi je le cite? Parce qu'à 21 ans, c'est le plus jeune champion olympique de ski de fond et il risque d'avoir un sacré avenir. La Norvège, c'est vraiment leur discipline et ça le restera encore pour longtemps, à mon avis, avec des phénomènes comme lui. Il paraît que ce Klebe a un caractère aussi bien trempé, non? Ouais, de ce que j'en ai entendu, il peut être même assez détestable pour les autres. Il est très sûr de sa force et donc il ne fait pas toujours d'efforts. En tout cas, visuellement, c'est assez troublant de voir comment il domine par rapport aux autres. Et justement, avec le Français, il a fait un petit peu ça. Mais bon, ça a été quand même très très fort, on peut le dire. Et puis, dernière puis performance. Dario Colonia aussi. Dario Colonia, je l'ai dit, et puis je voulais parler chez les féminines de Marit Bjørgen, qui permet à la Norvège de remporter aussi le titre chez les filles. Vraiment, ce qu'ils font, c'est la discipline des Nordiques et des Norvégiens, et qui a sa 13e médaille, ce qui égale Ole Einar Bjørndalen, aussi norvégien, en nombre de médailles olympiques. C'est un sacré record. Chez les femmes, il y avait un duel Suède-Norvège, notamment. Je crois qu'ils ont deux titres partout, si je ne me trompe pas. C'est la Suède qui avait gagné, je le sais, au JO de Sochi, le relais. Et la première médaille aussi de ces JO. Et la première médaille pour Charlotte Kalla. Et ils ont fait aussi beaucoup de médailles. Ça a été très partagé chez les filles en individuel entre les Suédoises et les Norvégiennes. Et d'ailleurs, ça s'est joué au sprint dans le relais, magnifique sprint. Et c'est Marit Bjørgen, l'ancienne du circuit, qui remporte encore plusieurs médailles et qui permet à la Norvège de conclure avec un nouveau titre olympique. Donc, respect à elle, parce que 13 médailles olympiques, c'est clair que c'est pas à la portée de tout le monde. On va enchaîner peut-être sur le snow, snowboard cross, pour reparler de nos Français, parce que bon, ils sont bien beaux ces Nordiques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même nos Frenchies, soyons un peu chauvins. Et le snowboard cross, je l'avais annoncé une fois dans une des paroles des Toe Chillers, qui est une discipline très forte pour la France et dont on parle peu souvent, et ils nous ont pas déçus encore. Pierre Voltier est devenu champion olympique pour la deuxième fois consécutive après les JO de Sochi, en réalisant une finale énorme, on peut le dire. Et puis petit cocorico aussi pour une jeune qui a surpris son monde, parce qu'on en avait d'autres qu'on attendait, mais c'est Julia Pereira de Souza, à seulement 16 ans, qui devient la plus jeune championne olympique française, et qui réalise quelque chose enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais de totalement fou, quoi, surtout à 16 ans. Ah oui, mais se dire en plus qu'elle était encore accompagnée de ses parents qui étaient dans le public, elle n'en revenait pas à la fin de la course, enfin c'était assez impressionnant. Oui, effectivement, ben Chloé Trespech fait 5e alors qu'elle, on l'attendait peut-être même pour le titre olympique, en chutant sur la fin, mais bon, je crois que ça a été oublié par toutes les filles qui ont été épatées par la performance de la plus jeune de cette équipe de France. Et puis voilà, puis le titre de Pierre Voltier, c'est aussi quelque chose de fabuleux, parce que double champion olympique, il n'y a personne d'autre qui l'a fait à part Martin Fourcade ces dernières années pour la France, et puis le dernier à l'avoir fait aussi, c'était Pierre Brunet, et c'était en patinage, c'était dans les années 50. Alors vous voyez, on a Fourcade et Voltier, c'est sans doute une génération dorée qu'on n'aura pas toujours. Hein. Et chez les filles, c'est les jeunes qui sont l'honneur, entre Perrine Lafont qui a 19 ans et donc Julia Pereira de Sousa. Qui a 16 ans, Julia Pereira de Sousa. Ouais, donc, qui n'a pas trop de réputation française, mais qui est bien française. Est bien française. Hein, j'ai regardé, il n'y a même pas de question d'être naturalisée, elle est d'origine portugaise, mais... C'est son droit finalement. Elle a bien le droit, née en région parisienne d'ailleurs pour le coup. On va aller maintenant peut-être plus de manière plus brève pour arriver à finir sans être exhaustif, parce qu'on peut le pas, et puis on proposera à tout le monde d'aller voir sinon les résultats sur Eurosport ou l'équipe, voilà. Ou ces médias que je n'ai pas cités, bien sûr. Il faut en citer un troisième à chaque fois. Ouais. Trouve-en un, là, très vite. Eurosport. Non, Eurosport, l'équipe et Sport 24. Voilà, ça existe, je crois. Bien vu. Sport Chrono, je crois, il y a un truc comme ça. Sport. Flash résultat, voilà. C'est Sport 365. Belle. Exactement. Donc pour parler peut-être. Justement, on était sur le snow et donc des compétitions qui peuvent avoir un côté assez spectacle, assez chaud aussi, donc sur le slopestyle et le halfpipe, pour donner quelques résultats, et surtout que voilà, on attend nos Français, pour le moment on les a pas trop vus performer, parce qu'on attendait la jeune Tess Ledeux aussi, qui a 16 ans et qui est cousine de Kevin Roland, qu'on viendra bientôt, et bon voilà, ce sont ses premiers jeux. Qui est de la région, si je me trompe pas, non? Je crois qu'elle est de la région. Je ne sais pas te dire ça, tu vois. Je vais vérifier. Je te laisse continuer. Les deux qui a 16 ans, voilà. Bon, on est déçu parce qu'elle est championne du monde, donc on espérait le titre. Elle est sortie dès les qualifications. Après, là, on peut aussi mettre ça sur la genèse, puis ça s'est joué vraiment à rien. C'est des compétitions où tout peut disparaître très vite. Le ski freestyle, tu sais quand ça commence? Le ski freestyle, c'est. Alors, je sais qu'il y a. Mercredi, non? Il y a le. Ouais, ça doit être en milieu de semaine. Je te le dirai tout à l'heure, j'ai noté. Et Ophélie David s'est blessée, je crois. Par contre, Ophélie David s'est blessée, qui est la plus aînée de cette équipe de France, 41 ans, mais qui était une chance de médaille et qui s'est blessée en plus ligament croisé, je crois. Donc puni ça. À l'entraînement pour ces derniers JO, c'est vraiment dur. C'est clair. Ouais, ouais. Et puis on va citer juste des noms. C'est des noms de sportifs américains qui ont été remarquables. Sean White, qui remporte le titre olympique, qu'il avait emporté à Vancouver et à Turin, pas à Sochi où il avait eu un petit échec, qui faisait 4e, mais c'est 3e titre olympique. C'est voilà, je pense que c'est le porte-étendard de sa discipline, et il a pas fait défaut le jour J. Il emporte devant Hirano, le japonais qui avait fait médaille d'argent aussi. Puis toujours aussi beau à regarder, dans halfpipe, non, remarquable. Vraiment remarquable, et puis le halfpipe, bah, ça change pas, c'est la discipline des Américains. Chez les filles, c'est Chloé Kim qui l'emporte, et elle aussi championne olympique à 17 ans, troisième run époustouflant parce qu'elle fait 98,25 points, qui est un score énorme, hein. Vraiment là il n'y avait pas photo par rapport à la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et puis voilà, petite anecdote sur elle, elle a 17 ans, c'est déjà 4 victoires aux X Games, 3 consécutives, et puis le premier titre aux X Games pour elle, donc qui est la compétition par excellence des sports freestyle. Elle a eu à 14 ans. Bon, elle était solide. Elle était qualifiée d'ailleurs pour Sochi, mais il faut avoir 15 ans pour faire les Jeux Olympiques et elle n'a pas pu y aller. Mais elle était qualifiée pour les JO. Des fois, c'est à se demander, quand on voyage un peu des différents médaillés de différentes nationalités, que ça soit Pereira de Sousa, Lafont ou même Kim. Bon, évidemment, c'est exceptionnel de gagner une médaille à cet âge-là, mais parfois on peut se poser aussi la question de. Parce qu'elles-mêmes le disent des fois dans les interviews, elles se disent voilà, j'ai gâché une partie de ma jeunesse, quoi. Oui, mais c'était assez symbolique aussi de voir par exemple Julia Pereira de Sousa dire j'espérais un jour une médaille, mais je pensais pas si vite. Mais on sentait aussi dans le je pensais pas si vite un peu qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ouais, parce à partir de là, si tout beau, va changer, hein, plus rien ne sera comme avant pour elle, donc c'est aussi. Il faut gérer. Et puis bon, effectivement, une médaillée d'or olympique très jeune, on pourra peut-être en voir une en patinage artistique pour les Russes cette fois-ci, parce qu'il y en a une qui a été championne du monde aussi, je crois, à 15 ans, et qui sera favorite pour l'épreuve, devant d'ailleurs une de ses compatriotes elle-même championne du monde. Et patinage artistique, on va en toucher quand même deux mots. Il y a eu l'individuel homme, c'est Yuzuru Hanyu, le japonais, qui s'est imposé devant un autre japonais, et donc un autre japonais, Shoma Uno, et un espagnol, donc bon, ça c'est mon petit cocorico, non pas cocorico du coup, mais hommage aux Espagnols qui n'avaient pas fait de médaille depuis 1992 et les JO français d'Albertville, et qui ont fait une médaille bronze derrière Pierre Voltier pour Regino Hernandez en snowboard cross, et la médaille de bronze, celle-là attendue de Fernandez qui est champion d'Europe. Donc, vous redressez le PIB avec ça. Bah, je sais pas, mais en tout cas voilà, les sports d'hiver reprennent de l'allant pour l'Espagne qui on parle de nos 10, 15, 20 médailles pour la France, l'Espagne avec ses deux médailles en plus, hein, ses 4 médailles dans son histoire, tout jeu d'hiver confondu. Ah oui, d'accord, ils c'est ont fait en une semaine, c'est exceptionnel. Ils ont fait leur truc, quoi. Sachant que les deux, alors petite anecdote finale, hein, les deux autres médaillés olympiques espagnols, c'était en slalom, et en gros, c'est, je crois, le frère et la sœur. Voilà. Ah, tu pourrais nous dire l'année ou pas? Je me rappelle plus, mais dans mes souvenirs, c'est les années 70. Ouais. Ils étaient français un petit peu aussi. Ouais. ça aurait pu, et donc sur le slalom, une médaille d'or et une médaille de bronze pour la petite sœur. Hein, voilà. J'aurais été exhaustif là-dessus, et donc la performance qui a été très remarquée aussi, même si ça n'a pas fait médaille en individuel homme, c'est Nathan Chen, le jeune américain qui a réalisé 6 quadruples sur son programme libre, ce qui n'avait jamais été fait aux Jeux Olympiques, mais il était parti 12e, je crois, il remonte 5e, ce qui est déjà incroyable. Sorte de petite remontada. Voilà. Petite remontada très sympathique qui ferait plaisir sans doute à nos amis parisiens, mais bon, moi je l'espère pas. Voilà. Et donc, dernière info patinage, c'est en couple, le titre qui est revenu, français, pas français, là est la question, à Savchenko et Bruno Masso, qui souhaitaient tous deux concourir pour la France. Finalement, ça ne s'est pas fait, c'est assez hallucinant. Et donc, Bruno Masso, qui est bien français, hein, ça a été fêté chez lui en Normandie, je crois, pour le coup, mais qui s'est naturalisé allemand en 2017 pour participer aux JO, et ils deviennent champions olympiques. En plus, ils étaient médaillables, mais personne ne les attendait sur la plus haute marche. Donc voilà, on a presque une médaille semi-française, alors que nos Français, eux, ont été pas mal, on peut le dire. Vanessa James et Morgan Cyprès, mais ils finissent un peu plus loin que le pied du podium, à la 5e place. On va terminer peut-être ce sport collectif. Je pourrais pas donner tous les résultats, mais je le savais. Hein, c'est pas possible. Donc, exit jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas. Luge, skeleton et autres patinages de vitesse. Peut-être Papadakis et Cizeron aussi. Papadakis et Cizeron, ouais, tu peux en toucher un petit mot. Comme tu t'en sors très bien pour l'instant. Programme court, les Français qui ont fini deuxième, ouais. Sachant qu'il y a eu une erreur de costume, de qui a été dit. On va dire ça comme ça, ouais. Qui aurait un peu déconcentré. Quelque peu, ouais. Gabriel, les deux patineurs, ouais, qui ont fait une bonne prestation. C'est les Canadiens qui ont fini premier et qui eux aussi ont un nom à connotation assez française finalement. Oui, ouais, c'est vrai. Ils sont québécois, quoi, en fait. Ils sont québécois. Tessa Virtue et Scott Muir. Je crois qu'ils entraînent dans la même structure, les deux groupes. Donc, aussi, ouais. Donc les Français s'entraînent. T'es en train de dire qu'ils sont consanguins, les quatre, c'est ça? Par contre, ils sont vraiment au-dessus du lot. Donc ce qui est un peu compliqué dans cette épreuve, c'est qu'on est quasi sûr de faire une médaille. Mais ce sera cette nuit d'ailleurs. Mais voilà, presque. Mais pour eux, il n'y a que l'or qui compte. La première place n'est pas insurmontable tout de même. C'est pas insurmontable. Parce que c'est les meilleurs sur le programme libre, mais il faudra s'approcher de leur record du monde. Voilà. En hockey sur glace, on va terminer là-dessus. Tiens, on n'a pas parlé de hockey la semaine dernière. Deux résultats, je ne les donnerai pas tous non plus, bien sûr. Chez les filles, les qualifs pour la finale déjà, qui sera une finale très classique, j'ai envie de dire. États-Unis-Canada, avec deux larges victoires en demi. C'est facile à s'en souvenir. Ça a été 5-0 contre la Russie, 5-0 contre la Finlande, qui joueront donc la petite finale. Et puis chez les hommes, on n'en est pas encore aux demi-finales, mais deux matchs que moi j'ai retenus, c'est la victoire des Russes qui ont pris leur revanche de Sochi, où ils avaient perdu pourtant chez eux, contre les Américains, en l'emportant très largement 4-0, et puis une victoire assez retentissante aussi, c'est la République tchèque qui s'est imposée au tir au but contre le Canada, et qui l'emporte finalement 3-2, ouais. Le Canada qui n'avait plus perdu au JO d'hiver chez les hommes depuis 2010, et leur JO de Vancouver, donc belle perf de leur part, voilà. Puis ça fait du bien à la République tchèque, parce que je pense qu'au classement des médailles, ils sont pas forcément dans le classement. Ouais, voilà, rien nous dit qu'ils iront chercher la médaille, mais en tout cas, en ce moment, ils sont vraiment très chauds, parce que j'ai vu quelques autres de leurs résultats, et ils sont bien lancés, notamment effectivement les pays d'Europe centrale, Europe centrale, je pense République tchèque, Slovénie, sont des belles nations du hockey. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on parle de hockey. Plus tendance à parler de Canada, ouais. Russie, France, c'est ce États-Unis. Mais justement, tu le dis France, je vais juste dire ça, petit regret, et c'est ce qu'on attend aussi au JO d'hiver. un jour peut-être avoir une équipe de France en hockey, voire en curling aussi, même si on se fout des fois de ce sport. Il me semble qu'on avait perdu un barrage, non, face à... Oui, le barrage qualificatif. Non, les gars, on peut pas être exhaustif, je suis désolé, on peut pas continuer. Je vais juste terminer. Je veux juste dire une chose pour le hockey, il manque les joueurs NHL, c'est tout. Oui, bah, c'est vrai. Voilà. Un peu comme au JO d'été avec le foot. Disons, franchement, mention spéciale à Romain qui n'a presque jamais regardé ses fiches et qui n'a presque jamais écorché aucun nom. C'est vrai. Franchement, on va taper la Bible olympique, je crois. Du coup, on termine dessus. C'est vrai qu'au final, tu vois, j'ai même pas tourné beaucoup les pages. On va justement laisser Romain repartir parce qu'il en a impératif. Avec regret pour rater le quiz de Yacine, mais je vous écouterai en Elle est en quand rentrant. Même là dans nos cœurs, il faut le dire. Mais il finit avec beauté, comme d'habitude, hein. son petit Sport and Chill d'aujourd'hui, de 1 heure, mais bon. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et je serai bien sûr là la semaine prochaine, avec grand plaisir, mais avec une petite émotion sur la fin de nos Jeux Olympiques. Ouais. Très bien. Bon, allez, bonne la semaine prochaine. À Quant à nous, on va passer tout de suite en sport. On peut lire. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et donc sur le sport montpelliérain, on va commencer avec le foot et le MHSC qui a fait un partout face à Guingamp avec donc un but de Giovanicio, son 7e en 21 matchs, si je me trompe pas, j'ai pas les stats mais je crois que c'est ça de tête. Ce qui est déjà énorme pour lui, hein. Et donc Yacine, on était au match, donc si tu voulais peut-être un peu réagir sur ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors Montpellier-Guingamp, comment dire, une non première mi-temps de la part de Montpellier qui a laissé jouer, en fait qui n'a même pas laissé jouer les Guingampais car c'est Guingampais n'ont même pas joué. Montpellier qui s'est contenté de faire tourner la balle avec une occasion sérieuse pour Mbenza à la moitié de la première mi-temps. On a vu Derzakarian très énervé dès le début du match car ses joueurs, il les a dit après le match, ils ne les avaient pas trouvés assez impliqués. Les Guingampais après qui ont marqué le but sur penalty. Alors certains disent que penalty était assez litigieux, pour moi, mais il y a toujours penalty, hein. Qu'il avait penalty. Oh, d'accord. Qui a été transformé par je ne sais plus qui, mais par Nbakoto. Par Nbakoto, l'auteur Exactement. Du but du derby rennais contre le derby rennais, l'équipe de Rennes lors du derby. Et Montpellier après qui est revenu logiquement au score car Montpellier a bien poussé comme il fallait. Mais encore une fois, quand on voit Montpellier par rapport à Guingamp, c'est systématiquement la même chose, capable de récupérer beaucoup de points face au gros et face à des équipes entre guillemets moyennes comme Angers ou Guingamp, ça a beaucoup de mal à faire la différence. Je tiens à rectifier dessus, c'est peut-être comme Montpellier a le ballon et doit faire le jeu, là c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est frustrant, c'est que la transmission de balle paraît assez fluide. Après, évidemment, en milieu de terrain, Montpellier est assez mal loti. Mais ouais, il nous manque vraiment un numéro 9. On le voit encore plus que jamais. Il n'y a personne à la retombée du ballon. Les centres sont plutôt bons car on a des bons latéraux. Et c'est là qu'on voit qu'un Mounier nous manque énormément quoi, pour cette année. Ça nous a au moins, à mon avis, laissé échapper 5-6 points. Quoi. Ouais, c'est dommage pour Montpellier parce que on était un peu déçus quand même de Guingamp qui nous a habitués à mieux parce que avec Comboiré on pensait avoir un jeu quand même résolument peut-être pas offensif mais un peu plus porté sur l'attaque et puis au final ils ont totalement fermé le match. Au final, ils ont complètement fermé le match, ils ont marqué quand il fallait, c'est-à-dire à peu près au début du match, puis après ils ont totalement fermé le match comme tu l'as dit et puis comme Montpellier a marqué, c'est là où ils se sont un peu plus découverts. Exactement, avec une occasion à la 92e qui aurait pu faire une lucarne et qui est passée à quelques centimètres du poteau de Lecomte. Oui, avec Jimmy Briand. Oui, alors sur un centre parfait, c'est là qu'on s'est dit oui, en effet Guingamp dès lors qu'ils ont un peu le dos au mur, ils sont capables de faire basculer encore une fois le match sur leur seule occasion. Exactement, ils sont capables de faire la différence sur leur seule occasion du match en dehors du but. Ok, très bien. Donc Montpellier est 5e au 6e classement, un point derrière Nantes, on l'a dit tout à l'heure. Donc pour l'instant on va voir ce que ça va donner. C'est plutôt bien parti déjà pour avoir une belle place au classement. Il faut espérer qu'ils arrivent à rester 6e parce que je pense qu'avec la coupe de la c'est ce que j'allais dire. 6e, tu peux avoir la place européenne. Il faut être plus ambitieux. Parce que 5e est européenne, c'est sûr, avec la finale mais de la Coupe de la Ligue. Mais 6e, elle sera européenne. Et sachant que, pense que techniquement, Paris devrait peut-être aller au bout en Coupe de France également. Oui. Donc, elle risque d'être européenne également. Moi je trouve que le Montpellier devrait être un peu plus ambitieux. Et après, quand on voit l'attitude des joueurs et celle de Zakarian, des fois, on a un peu l'impression que c'est contrasté. À savoir que là, des fois, on a l'impression, notamment le match contre Guingamp, que Derzakarian avait l'air plus motivé que ses propres joueurs sur le terrain. Et il sent que ces points-là sont des points cruciaux qu'il ne faut pas négliger. Et au final, quand on voit la plupart des équipes impliquées dans des coupes, ou qu'elles soient nationales ou européennes, Montpellier a vraiment une carte à jouer. Quoi. Non, moi j'ai une théorie personnelle, je crois qu'il a une vengeance personnelle. contre Nantes, c'est ça? Oui, donc moi je pense qu'il est c'est possible. Après, bon, il faudra voir les joueurs. Je pense que le calendrier peut être assez favorable pour Montpellier. Je crois que le prochain match à domicile sera face à Lyon. Bon, qui n'est pas évidemment le match le plus facile pour un match à domicile, mais. Mais au vu de la performance des Lyonnais dernièrement. Oui, il va falloir des réactions du coup. Donc, Quand on voit les derniers, bon, le match en Coupe de la Ligue face à Lyon ne comptait pas. Mais le match en coupe, on l'a bien vu que c'était sérieux. Donc, ouais. Très bien. On passe aux féminines. Je vous l'avais dit, donc 100% de victoire pour les clubs féminins à Montpellier ce week-end. Victoire donc du MHSC féminin 2-1 face à Rodez, après donc avoir bataillé pour ouvrir le score en première mi-temps grâce à VG. Donc je ne sais pas comment on le prononce. Les Montpellierennes ont réussi à faire le break début de seconde mi-temps par Black Stenius. Cependant, le MHSC a eu très chaud dans les dernières secondes de match. Déjà par le but de Rodez, donc à la 88e, puis par une grosse pression de cette dernière pour arracher le match nul. Cependant, Montpellier s'est tout de même imposé sur ce match. Donc désormais, il faut se projeter très vite sur le match en pleine semaine qui arrive donc ce mercredi, puisque c'est un match en retard du championnat de D1 féminine. C'est face à Fleury, c'est en déplacement. Et au niveau du classement, donc Montpellier est malheureusement un peu largué au classement. Elles sont 3e. Et c'est les deux premières qui passent en Champions League chez les féminines. Donc Paris et Lyon, évidemment. Donc si Montpellier gagne son match de retard face à Fleury, ce qui devrait théoriquement se faire, Montpellier serait à 4 points de retard sur le PSG et à 9 points de retard sur l'Olympique Lyonnais. Ah, ça va être compliqué quand même. Donc 4 points de retard sur le PSG, c'est compliqué. Même 4 sur Paris, ça semble... Sachant qu'il va y avoir toujours Montpellier-Paris qui arrive, parce que Montpellier a déjà joué Lyon en phase retour. Et je crois que le PSG n'a pas joué encore Lyon en phase retour, donc pourquoi pas. Voir ça dépend entre les confrontations directes entre les concurrents, quoi. Le MHR qui on en a parlé tout à l'heure a fait une belle performance qui marche bien malgré les lanternes rouges, qui s'est construit tranquillement sa victoire. Peut-être commencer par la fiche technique avec des essais de Benjamin Fall, un essai de pénalité, un doublé du monstre, du colosse Nadolo, la Twingo, comme on l'appelle, hein, presque 2 mètres pour 130 kg, un essai de Fichten et de Van Rensburg, 4 transformations signées Juan Pinard et une pénalité aussi de mêlée sud-africain. Mais Montpellier qui a fait preuve de sérénité, qui a montré sa puissance, qui a été vraiment intéressant, je trouve. Ils ont jamais paniqué là où ils auraient pu justement déjouer, quand à un moment donné là où ils auraient pu commencer à douter, ils ont su justement rester tranquille, rester serein pour réagir derrière et marquer de nouveaux essais. Mais à part quelques erreurs à corriger ou encore quelques approximations à gommer, et aussi quelques parfois faute d'indiscipline à travailler, mais on sent qu'il y a une alchimie qui se crée au sein de l'équipe, qui est en train de s'installer au sein du staff et de l'effectif, pardon. Donc moi je me dis, il y a 4 points d'avance sur le second et 8 points d'avance sur le troisième. Tu penses qu'on peut aller chercher plus haut? Franchement, pourquoi pas cette année? Je me pensais que c'était un peu trop tôt, mais après Clermont, après Oyonnax, où on a montré deux visages convaincants, en plus il y a des retours là qui vont arriver, Payoc va revenir, je pense que on peut aller chercher quelque chose cette année, parce que on a l'effectif pour, l'entraîneur pour, la confiance, je le redis, mais ils ont été pour moi assez impressionnants de sérénité. Ils n'ont jamais vraiment paniqué. Parce que quand même, il faut mettre l'adversaire. L'adversaire, c'était à Oyonnax. Oyonnax qui n'est pas... relativiser, c'est sûr. À relativiser déjà, parce que ce n'est pas... C'est pas comme si on a gagné à Marseille, Michelin, à Clermont ou à La Rochelle, par exemple. Ouais, c'est sûr, mais c'est quand même 2 semaines après avoir gagné à Clermont. Voilà. Et on sait toujours que c'est difficile de gagner à Oyonnax dans les conditions difficiles sur un terrain synthétique, en plus sous la pluie. Non. Après, bien sûr, ça reste la lanterne rouge, mais on peut quand même se satisfaire de ce match. Et c'est une belle victoire. Mais de là à dire qu'on peut aller chercher, on va dire, le bonus, c'est encore trop tôt. C'est bon, on est 4 points devant, ça restera en play-off comme d'habitude. C'est toujours la même chose avec Montpellier, c'est que même s'il y a de fortes chances qu'on soit qualifié en demi-finale, moi je me rappelle que l'an dernier, par exemple, on pensait vraiment que Montpellier pouvait encore chercher quelque chose, désolé. Et on s'est fait éliminer par le Racing en barrage à domicile. Donc, mauvais souvenir. Ouais. Ouais. Je vais passer justement aux féminines avec la belle victoire à l'extérieur du MHR féminin, ou MRC, donc à vous de choisir. MRC, on est. 31-17 contre le Stade Rennais Rugby. Donc il y a bien un club de rugby féminin au Stade Rennais. Et c'est notamment donc Caroline Boujard et Fantine Basiche. Et donc belle victoire donc, puisque les Coccinelles repassent première au classement. Yes. Grâce ou à cause hein, de la défaite de Villeneuve-d'Ascq 6-5 contre Toulouse. Le MRC est donc premier avec 42 points, 1 point d'avance donc sur Villeneuve-d'Ascq encore, et 6 points sur Toulouse qui est 3ème. Prochain match c'est le 4 mars, donc c'est dans un petit moment, à domicile contre Bobigny d'ailleurs. Il reste 3 matchs en saison régulière pour les filles et 3 matchs à domicile. C'est qui est 3ème ? Toulouse ? Toulouse. C'est pas Toulouse ? Non, c'est Toulouse. Toulouse, d'accord, ok. Le Stade Toulousain. Ouais, d'accord. Et le handball, Yacine. Oui, alors très belle performance de Montpellier. Victoire à Chambéry 30-21 pour le compte de la 14e journée de la Lidl Star League. Montpellier, très belle opération de la part de Montpellier qui profite du faux pas, comme je l'avais dit, de Nîmes. Défaite à Massy 29-23. Paris qui reste au contact 40-31, ce qui fait que Montpellier est devant avec 6 points d'avance. Alors, les meilleurs buteurs du match ont été Jonas Trocadovicius qui a marqué 5 points et Mohamed Mamdou pardon, qui a marqué 4 buts aussi. Michael Guigou a marqué tous ses pénalties. Donc Montpellier. Habituel quoi. Un match comme d'habitude, un match solide. Montpellier qui reste en compétition sur 3 coupes. Il me semble, oui, la Coupe d'Europe et la Coupe de France en dehors du championnat. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ils avaient les internationaux ou pas ? Ils avaient les internationaux. Il y avait Guigou, Michael Guigou. Il y avait Bonnefond était là, Valentin Porte était là, Benjamin Avgour était aussi de retour. Donc dans 8 jours, on saura si on est champion de France ou pas, puisque dans 8 jours, c'est PSG Montpellier. Oui, et voilà, donc, tout à fait. Si Montpellier gagne, je peux m'avancer, mais je pense que là, c'est terminé. Voilà, après, bon, il y aura un tas de jokers aussi, entre guillemets, qu'on pourrait se permettre de griller, même si, bon, je crois qu'il y aura le match à Nantes qui se jouera à Montpellier. On reçoit Nantes, on reçoit Nîmes. Si tu gagnes Paris, Nîmes et Nantes, il faut en gagner 2 sur 3. Voilà, même si tu perds à Paris et que tu gagnes contre Nantes et Nîmes à domicile, on peut penser que c'est ok. Surtout que là, le prochain match, ça sera contre Ivry à domicile. Ouais. A priori, ça va bien. La victoire sera acquise. Après, vraiment, s'il y a moyen de. On se projette un peu trop vite déjà, car on est juste au mois de février. Mais en coupe, je crois qu'on joue Dunkerque dans Saint-Raphaël à domicile. Mm. Là encore, tu peux penser qu'on sera en demi-finale. Ouais. On joue à voir Saint-Raphaël, c'est le seul match nul qu'on a fait cette année. Oui, et Saint-Raphaël qui est quatrième aussi, comme je l'avais dit, qui est bien placé. Donc il faudrait. Et on va à Saint-Raphaël en retour en championnat. Tout à fait. C'est peut-être surtout eux qu'il faudra faire gaffe peut-être. Ouais. Et on jouera aussi donc à Démarre en barrage de Coupe d'Europe. Très bientôt. Qualificatif pour les huitièmes de finale. Donc ouais, début mars. Pour le basket féminin, donc le BLMA l'emporte face à Mondeville. Donc ça fait du bien pour le BLMA qui avait quand même une série un peu noire dernièrement. Donc c'était pour le compte de la 15e journée de championnat de France de LFB. Une victoire convaincante, 81-68. A noter donc 16 points encore une fois de Suzy Batkovic qui vient d'arriver à Montpellier, meilleure marqueuse du match, même si c'est Marie Manet avec 15 points et 7 passes qui est la MVP, tout club confondu, de cette 15e journée de LFB. A noter également que Rachel Alcovero, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est la basketteuse qui était venue à l'émission il y a plusieurs semaines, a joué d'ailleurs en équipe première, a joué 17 minutes dans ce match. Les Gazelles préparent parfaitement donc le prochain rendez-vous qui est la demi-finale de Coupe de France qui a lieu donc ce samedi 24 février à domicile, donc à Latte. Et au classement du championnat, le BLMA est 5e égalité avec Lyon et Tarbes. Donc ça va un peu mieux pour les basketteuses féminines. Elle respire. Au volet, victoire en 5-7 au bout du bout, donc le Mavuc a gagné 3-7 à 2 contre Ajaccio, ce qui fait qu'au classement Montpellier reste toujours 6ème. Ils aiment leur 6ème place, ils n'en bougent pas, donc leur place de prédilection. Il ne reste plus que 4 journées avant les phases finales. Prochain match à domicile contre Paris qui est 2ème, ça sera ce vendredi soir. Le futsal, victoire du futsal, un but à 0, le strict minimum pour le futsal, sachant qu'il y a beaucoup plus de buts qu'au foot classique, on va dire. Ils ont mis les 11 derrière. Quoi. Mais victoire tout de même, il reste quand même relégable à Montpellier, mais ces points seront sûrement très importants en fin de saison. Donc malgré 2 points de retard donc sur le premier non relégable Toulouse, donc ça commence à se réduire un petit peu, ces derniers tout de même, Toulouse possède un match de retard sur Montpellier. Donc si Toulouse gagne... On passe pas dernier, on est à 5 points de retard sur le... Non, à 4 points de retard sur le premier non relégable. Ouais. Sachant qu'il reste 7 matchs pour repasser, pour aller chercher les 4 points. C'est faisable. Donc c'est faisable, sachant la série en cours pour le futsal, c'est largement faisable. Et donc prochain match, c'est contre Kremlin-Bicêtre.

white, she's so extra white. My appetite, I lost appetite. It's paradise, we in paradise. So extra bright, it's so extra bright. So I break the beat and I scratch it. She be like handsome, she be like dancing. Straight to my mattress, I was on smashing. I was on average, she was cadaverous. No free smoke when your bae is gone. Why I love when it's free and it does no harm. New phone, who's this? And my life's on charge. Two shows, pay rent, get a girl, get a job. Belly of the beast when I walk in the streets. All I see is fake love, insecurity. 2 months, 7 days, all when you first came. Walked in, off white, all pink, okay. A pass, a pass, a pass, a pass. Leave it in the past. A pass, a pass, a pass, a pass. Leave it in the past. De retour sur Sport & Chill, c'était Reggie Snow avec le titre Egyptian Lover. Vous l'écrivez L-U-V-R, hein, c'est un peu abrévié. Vous le trouverez dans les deux c'est cas. Comme ça. Et on va tout de suite passer aux paroles de Chillers. La parole est aux Chillers. On va accélérer pour la parole aux Chillers, sinon on n'aura pas le temps de faire le quiz. On va commencer avec notre ami Roger Federer, le maître incontesté du tennis masculin mondial. Tu ne pouvais pas passer à côté de ce coup de cœur. C'est Roger qui continue de nous régaler. Il avait un peu surpris sur ce choix de faire Rotterdam parce qu'on ne s'y attendait pas trop. Donc ça prouve qu'il a encore de l'ambition et qu'il voulait aller glaner sa première place. Il l'a fait avec brio, il a marché sur le tournoi sans grande difficulté. Il croque Dimitrov. 97e titre en carrière, à 36 ans, c'est devenu du coup le numéro mondial le plus âgé de l'histoire. 36 ans et 8 mois, il me semble. Ouais, c'est ça. Et du coup, remarquable, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter à part l'idolâtrer finalement. Speechless, comme on dit. C'est le plus grand joueur de tous les temps. De tous les temps, de tout l'univers tennistique. Il y a même un débat. Moi, je sais que j'en ai discuté avec plusieurs personnes et j'avais des potes qui disent ça pour dire que c'est le plus grand sportif de tous les temps. Et il y a des classements où il a remporté, il le place numéro 1. Après, c'est un autre débat, ça. Après, voilà, la qualité de Roger Federer, c'est surtout aussi son humilité. Son humilité, exactement. C'est parce qu'il y en a, ils arrivent à gagner un peu avec condescendance, peut-être. On peut dire ça comme ça. Peut-être Usain Bolt, on pourrait le citer, ce qui est l'un des plus grands champions de sprint, mais qui, quand il gagne, irrite un petit peu, quoi. Ouais, mais après, tu vois, ça fait partie du personnage. Moi, j'ai toujours aussi adoré Bolt pour ça. Ouais, son côté showman, c'est vraiment différent. Donc, je pense qu'ils font partie de la même caste de ces sportifs qui savent être pro tout le temps. C'est-à-dire que, bon, Bolt, après, c'est quelqu'un à part, mais je pense que Bolt aussi, c'est-à-dire que s'il veut être champion olympique, je pense qu'il en a bavé aussi, il a fait une préparation de dingue et qu'il sait être sérieux. Ouais, et je pense que Federer aussi, et Nadal, pareil, Djokovic, pareil, je pense que les mecs, ils arrivent à s'imposer une préparation, une hygiène de vie parfaite. Et j'aimerais bien que nos Français. Je trouve même au tennis Roger un peu plus que les autres parce que je sais que voilà il a fait des sacrifices parce que il peut plus faire des tournois autant qu'avant et je pense que des personnes comme peut-être Djokovic et Nadal qui ont des jeux un peu plus offensifs tout de même au tennis devraient s'en inspirer et devraient jouer peut-être un peu plus moins physique en tout cas oui voilà surtout Nadal devraient jouer un peu moins de tournois dans leur saison surtout Nadal qui s'en est plaint à plusieurs reprises mais qui devrait peut-être faire quelques sacrifices sur Il le pêche cher maintenant. Djokovic, ça fait un an qu'on l'a pas vu. Murray, pareil. Murray s'est fait opérer de la hanche. Donc, du coup, saison qui va être compliquée. Il y a personne qui est jamais revenu à ce niveau avec l'opération de la hanche. Donc, on peut être inquiet. Quoi. On va continuer sur du rugby. On reprend du rugby avec Clermont. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais Yacine voulait en reparler. Je passe pour le coup de gueule. Oui, un tout petit coup de gueule. C'était pas non plus un coup de gueule énormissime, car on a déjà un peu parlé de Clermont, mais je voulais juste un froncement de sourcils finalement. Un froncement de sourcils, oui. Une légère irritation. Non, c'est-à-dire que bon, juste un petit coup de gueule par rapport à leur classement de top 14, car 10e avec 32 points, ils restent sur quand même des défaites assez sérieuses à Pau. contre Castres au Racing. Alors 58-6 pour le Racing quand même, surtout en n'oubliant pas qu'ils vont les jouer en quart de finale. La défaite contre Montpellier et pour clôturer la défaite hier face au Loup. Une petite inquiétude pour Clermont en top 14. Bon, même s'il y a de très faibles chances qu'ils soient relégués en fin de championnat, ils ont déjà dit adieu pour la phase finale, en sachant que au moins 5 ou 6 équipes se sont déjà détachées en tête de classement. On n'avait pas été habitué à ça et c'est pour ça que c'était un tout petit coup de gueule, c'est que bon, Clermont depuis des années, on les a jamais vus à ce classement-là en top 14. Hein. Alors pour les défendre un petit peu, moi j'aime bien Clermont aussi, c'est que ils ont aussi eu une hécatombe de blessés. Derrière, ça a été la panique avec Fofana, Lamera, Penaud, qui sont les trois centres de l'équipe de France qui jouent clairement. Blessé. Les trois sont blessés. Alors Lamera revient, mais il est sanctionné par l'équipe de France et il devait sanctionner avec Clermont. Au final, il a été aligné parce qu'il y a eu des blessures. Camille Lopez s'est blessé aussi. Morgan Parra est en train de revenir aussi. Donc c'est aussi un concours de circonstances pour Clermont qui a fait face à beaucoup de blessures. Et quand il y a des jokers médicaux, qui arrivaient. Il s'est blessé aussi, donc il s'est aussi à relativiser. Et je pense qu'ils payent cash leur saison l'an dernier où ils ont fait finale de Champions Cup, champion de France évidemment. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ils ont une préparation estivale courte. Ouais. Et je pense qu'ils payent les pots cassés aujourd'hui. Et puis le point positif aussi, c'est qu'en Coupe d'Europe, ils ont quand même mis deux tôles au Saracens, ce qui les avait défaits en finale. Donc, c'est ce qui laisse espérer une bonne fin de saison pour eux. Voilà, moi je pense pas que le scénario du 58-6 pour le Racing se répétera en quart de finale, surtout que ça se déroulera à Clermont. Donc, surtout que le Racing est en forme aussi. Surtout qu'il leur reste que ça, Clermont. Voilà, tout à fait. Voilà. On va terminer avec de la NBA. On en a pas parlé beaucoup et c'est bien d'en parler un petit peu plus. Je voulais revenir sur le All-Star parce que j'ai un petit coup de gueule par rapport à Jimmy Butler qui n'a pas voulu jouer ce match. Même une petite entrée de 6 minutes, n'a pas voulu. Quelle équipe Il était à la team Curry. Non, mais dans la saison régulière, quel Timberwolves de Minnesota. Timberwolves. Donc, alors, il aurait pu très bien laisser la place à un joueur comme Lou Williams, qui, je pense, aurait bien voulu faire, même si c'est 5 minutes de jeu entrée. Parce que j'en ai un autre exemple. LaMarcus Aldridge des Hunter Spurs, qui est un peu blessé. A quand même fait 6 minutes d'entrée en jeu, donc quand même ça pose question de son envie d'être là, alors qu'il y a les joueurs, on va dire que la sélection de All-Star Game, c'est vraiment un privilège. Mais moi j'ai pas très bien compris cette affaire, j'ai pas compris pourquoi cette décision de pas jouer, c'est par ego, ils voulaient pas se contenter de 5 minutes, c'est pour s'économiser. Non, c'est parce que oui, s'économiser, mais c'est justement ça veut dire qu'il aurait dû peut-être déclarer forfait depuis. Ah ouais, puis le All-Star Game, c'est pas le match le plus intense, hein, c'est surtout du spectacle, c'est un show, je comprends pas trop. C'est pas cool, ouais. C'est pas cool pour ceux qui sont pas. Ok, tant pis pour lui. Hein. On termine dessus. On aurait bien voulu parler un peu plus, mais on n'aura pas le temps sinon. Surtout qu'Yacine a fait un quiz, donc on va laisser faire. Et, d'ailleurs, tout de suite, jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Je te laisse la parole, Yacine. Je t'en prie. Très bien, donc on va commencer. J'ai essayé de varier un peu toutes les disciplines. On verra ce que ça donnera. Du coup, j'ai une question où je peux pas répondre parce que. Voilà, parce que j'ai essayé de vérifier avec Flo si ça ne figurait pas dans les news, dans les résultats. Très bien. Donc on va commencer avec une question athlétisme, une fois n'est pas coutume. Alors, Christian Coleman a battu hier le record du monde de 60 mètres à Albuquerque en signant 6 secondes de 34, qui était l'ancien recordman. Un tour de table. Oh. On va commencer par Tim. Là, je t'avoue que là, sur le 60 mètres. Ah ouais. Bon, pour rappel, Chris Coleman était médaillé d'argent sur 100 mètres aux Mondiaux de Londres en 2017. C'était lui qui avait poussé Bolt à la 3ème place. Gay. Ouais, j'étais à Tyson Gay moi aussi. Non, c'est pas Tyson Gay. On va faire un tour de table. Attends, on va faire un tour de table. Du coup, on sait que c'est pas lui. Moi, je vais dire Gatlin. Non. Asafa Powell. Asafa Powell. Non. Ah, du coup, c'est pas un tour de table, c'est. J'avais commencé, Yon Blake. On va finir avec Dimitri, par exemple. Yon Blake. Ouais, il a dit Tyson Gay. Non. Il a déjà dit Tyson Gay. Continue à dire des noms et je vous dirai oui. Ah, d'accord, donc c'est pas un tour de table. Au début, j'avais commencé un tour de table. Alors, attends. Usain Bolt. Non. Yon Blake. Non, c'est plus ancien que ça. C'est pas forcément cette décennie. Maurice Gill. Oui. Oh, Maurice Green. Joli, joli. Ouais. Super. C'était Maurice Greene qui détenait le record établi en 1998 à Madrid avec 6 secondes 39. Et donc Christian Coleman a battu le record avec 6 secondes 34. Un point pour Dimitri. Je faisais du golf aussi. C'est ça. Très bien. Dominique Thiem a remporté dimanche le tournoi de 105 ans de Buenos Aires face à Ajaz Beden, le Slovène, 6-2-6-4. Combien de titres au total a-t-il remporté ? Tour de table cette fois-ci, Thiem. Attends, je réfléchis. Donc deux titres, bon, ATP, 150, 500, 1000. Oui, tout confondu. Pas grand chelem, du coup. Pas de grand chelem. Pas grand chose non plus, je pense. Dominique Thiem, je vais répondre à 8. 3 seulement. 6. 5. Et c'est Thiem qui a le point, c'était 9 titres. Pas mal, guys. J'avais eu les 8 en tête, il m'en manquait qu'un seul. La gagné et que l'Open de Vienne. Vas-y, dis-nous. Il y a Rome l'année dernière face à Djokovic. Alors celui-là, il est un peu plus ardu, quoique on sait jamais. C'est du cyclisme. Ah. Hop, éliminé pour moi. Alors hier se clôturait le Tour d'Oman. Ah ouais, du coup. C'est la question auquel je peux pas répondre, c'est ça ? C'est pas celle-là, non. Ah d'accord. Okay. À moins que tu le saches aussi. Quel Français vainqueur de la première étape a terminé deuxième de la dernière ? Brian Cocker, ouais. Oui. D'ailleurs Christophe, c'est c'était ça. Brian Cocker. Très bien, j'ai pas eu le temps de terminer. J'attendais cette question. Pour un rugbyman, Cocker, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Ah, bien vu. Question rapidité. Coca. Cette fois. Question rapidité. Et celle-là, Flo ne n'y participe pas car c'est celle qu'il a déjà vue. Ah bah déjà, j'ai pas de points là en plus. Qui a remporté le tour de l'Algarve devant l'un de ses coéquipiers ? Peters. Je vois en fait le binôme. Et de préférence l'ordre. C'est pas Quintana. Quintana a fini 2. C'est pas ça. Non. C'est la même équipe donc. Movistar ? Valverde ? Je veux les deux noms et de la même équipe. Alors l'écart qui c'est l'écart final c'était 1 minute 31. Attends les gars Terminé. Espagnol ? Il n'y a pas beaucoup d'équipes fortes. C'est une équipe forte, très forte. Asana ? Sky. Bah non mais il faut dire les noms. Donc du coup je demande les noms. Le premier et le deuxième. T'as dit qui ? Quelle équipe ? Il dit Astana mais bon. Il a gagné sans Remo je crois le premier. Ah ouais, il a gagné 3 fois les Strade Bianche aussi pour ceux qui connaissent. Bon, si je vous annonce la nationalité, ça sera trop évident donc. Attends, mais si Milan San Remo l'an dernier, c'est pas italien ? C'est italien ? Ah, j'ai pas le droit à Dimitri. Non, c'est pas Sagan, c'est Katowski. Katowski oui. Premier. Devant. Et devant c'est quoi leur nom ? T'as donné un indice, non ? Moi j'avais pas marqué par contre, mais je crois que allez, je vais dire l'indice final. Il est gallois. Geraint Thomas ? Oui. Ouais. Geraint Thomas, donc bravo, deux points pour Paul. Alfpenny ? Oui, Katowski finit devant Geraint Thomas pour 1 minute 31. Donc voilà. Okay. Question football. Tour de table. Depuis combien de jours Lucas, buteur avec Tottenham hier, n'avait-il plus été titulaire en match officiel ? Deux jours. Ah, deux jours. Depuis combien de jours, oui. Donc on va commencer par Paul cette fois-ci. 226. Dimitri ? Ouais, je vais dire 228. Je suis au pif, hein. J'ai cru que c'était exact. 310. Bah ouais, d'accord. Putain, ça fait quasiment un an. Ouais, c'est vrai. Titulaire, c'est ça ? Oui. Depuis combien de jours 185. Il avait... Ouais, peut-être pas 200, ouais. 185. Moi, je dirais... Ouais, 228, tu l'avais dit, Dimitri. Oui. Je crois que c'est Flo qui est... Je vais refaire le calcul, la réponse était 274 jours. Je suis dit 310, ça fait 36 jours. 36, ouais. 36. C'est Flo, c'est Flo qui a le point. Pour quelques jours, mais c'est toi qui marques ton premier point. Il fallait chercher 274, vous dites. Ouais. Merci Lucas Moura. Tu as marqué d'ailleurs avec Tottenham. Ouais, c'est ça. Question rugby. Quel joueur a fait un retour réussi avec 16 plaquages 2 semaines après avoir été, après avoir raté les 2 premiers matchs du tournoi pour cause grippale ? Bastaro ? Non. Non. Ça s'est passé hier. C'est Kamicha. Kamicha. Miaou. Miaou, miaou. Le frère Hervé Matou. C'est ça. Qui boudiboulde comme jamais. Okay. Qui est devenu il y a quelques jours le président de la Ligue nationale de handball. En battant Richardson. Non, en battant Philippe Bernatzel, qui était le président. La porte. Qui était le président depuis 2010. Patrice Canelier. Non. La Ligue de dopage. C'est un ESF là, je sais pas quoi. Non, c'est un ancien international. C'est juste le seul indice pour l'instant que Jérôme je vous Fernandez. Dirai. Jérôme Fernandez. Ouais, non, c'est pas Jérôme Fernandez. Dinard. C'est pas Dinard. Abati. Non. Pas Abati. C'est une génération à peu près. C'est la même génération, oui. Antil. Daouda Karaboué. Non, pas mal. Il a été la première aventure des experts, donc en 2008, mais plus après. Guillaume Gilles. Non. Bertrand. Bertrand Gilles. Non. Omer. Non. Non, il était capitaine des experts en 2008 lors de la victoire au JO. Bah c'est... mince. Si, après, si, c'est Giraud. Olivier Giraud. Exactement. Ah, Olivier Giraud. Et Paul, 5 points. Olivier Giraud. Ouais, qui a marqué le but contre Lille. Exactement. Donc, le couteau suisse Giraud, hein, qui a été élu par 30 voix contre 23 pour Bernatzel. Savez-vous ce qu'est la Leaders Cup? La Leaders Cup. Ah oui, la Leaders Cup, c'est le tournoi de basket où, en France où les 7 premiers du championnat s'affrontent. Brian Cocard. C'est ça. C'est ça, un point pour Dimitri. Mais la question que je voulais aussi vous poser qui est annexe, quelle finale a vu s'opposer la Leaders Cup 2018? Monaco contre Laswell. Le Mans. Limoges. Monaco contre Le Mans. Et c'est encore Dimitri qui a le point. 3 points. Je suis inexistant. Ah, moi aussi. Hein. Question fou. Le fils des pailles qui est là. Bon, pour faire des blagues, il y a tout le monde. Hein. Question fou, je vais commencer par aucun indice, tout simplement. Oh, oui. On verra si vous réussirez à trouver. Quel ancien pensionnaire de Ligue 1 a offert la victoire à sa nouvelle équipe ce week-end? Gabaté. Ah, ouais, c'est ça, c'est bien avec Benevento. Ancien pensionnaire de Bordeaux et de Metz qui a offert la victoire à Benevento. Je vous ai dit, faut décoïter aussi. Faut décoïter. J'ai rien à dire. Je me suis dit, c'était obligé. Dernière question. Et dernière question. Qui suis-je? Je suis né le 21 février 1984 à Bolzen. Je suis professionnel depuis 2002. Ah bon ? Et je ne suis jamais allé au-delà des huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem en simple, malgré ma grande performance face à Djokovic en 2012 à Roland-Garros. Sterling. Non. J'atteins quelques mois plus tard... Malgré ma grande performance en 2012 en 2012 tournoi... face à Djoko à Roland-Garros, j'atteins quelques mois plus tard ma meilleure place au classement ATP, 18e. J'élimine Roger Federer au 3e tour de l'Open d'Australie en 2015. Robin Kizan. Robin Haas. Andreas Seppi. Andreas Seppi. Mais je perds face à lui en demi-finale à Rotterdam avant-hier. Ouais. Il est né où? Andreas Seppi. À Bolzen, Bolzano. Pour moi, c'était Bolzen en mode un peu allemand. C'est l'Italie germanique. Ouais. En fait. C'est le Nord-Est. Encore l'Italie. Un point pour Tim. Et donc, c'est Paul qui gagne ce questionnaire. Avec 5 points, Dimitri 4, Thiel 2 et Flo 1 point. Bon, parce que j'avais une question moins, mec. on va terminer, on va vite passer parce que dernier ça m'arrange pas trop. Et du coup, on va passer à l'agenda tout de suite. Avec le football, donc mardi, il y aura donc Ligue des Champions également. Bayern, Besiktas. Et donc Chelsea-Barcelone qui sera l'un de nos deux pronostics de la semaine. Mercredi, c'est Séville contre United et le Shakhtar contre la Roma. C'est peut-être le match le moins intéressant. Ouais. Ouais, mais peut-être le plus indécis aussi. Peut-être. Jeudi, donc le retour des matchs d'Europa League également. Je cite que les Français, donc Lokomotiv Moscou-Nice, Braga OM et Villarreal-Lyon. Ce week-end en Ligue 1. Le match du vendredi soir, c'est Montpellier donc, qui jouera à l'extérieur à Strasbourg. TFC qui jouera à domicile donc, contre Monaco. Dimanche, il y aura une belle journée dimanche puisqu'il y aura Bordeaux-Nice à 14h. À 17h, il y aura le derby Lyon contre Saint-Etienne qui sera notre deuxième pronostic. Et il y aura pour finir le classique PSG-OM. Dans le foot étranger, les gros matchs du week-end, on peut noter par exemple le Bayer Leverkusen-Schalke, United contre Chelsea, Séville-Atlético ou encore la Roma contre l'AC Milan. Au rugby, c'est le retour des Six Nations. Ouais, premier week-end de doublon, puisqu'on commence vendredi avec France-Italie, qui se jouera pour la première fois dans le nouveau stade Vélodrome, donc pour une première dans le Six Nations. Le samedi sera Irlande-Pays de Galles et Écosse-Angleterre, et donc aussi ce sera en même temps que le top 14. Montpellier reçoit Bordeaux en ouverture de la 18e journée, Castres-Lyon, Clermont-Oyonnax, Stade Français Agen, Pau Racing, et dimanche, on match à midi avec Toulouse-Brive, et on terminera la journée avec La Rochelle-Toulon. Handball. Alors, 15e journée de Lidl Star League qui se déroulera mercredi et jeudi avec trois matchs principaux. Donc Montpellier qui verra s'opposer, enfin Montpellier pardon, qui recevra Ivry à Bougnol, et encore un choc Dunkerque-Paris et surtout Nîmes-Saint-Raphaël, donc le 3e contre le 4e, les deux se tenant à 20 points. Et pour le week-end à venir, la Coupe d'Europe qui reprend ses droits, l'avant-dernière journée des deux poules principales, avec Paris qui se déplacera à Meshkov, donc 6e, Paris déjà qualifié qui n'a plus rien à jouer. Un choc entre Kiel et Kiel C, entre le 4e et le 5e de la poule. Flensburg-Veszprém pour l'autre plat de résistance. Et enfin Nantes qui recevra le Vardar pour le choc au sommet de cette poule A. Mmh. Donc le Vardar, comme je l'ai dit, qui est toujours à 20 points et Nantes à 17. En cyclisme, il y a le Tour d'Abu Dhabi, donc là c'est le retour des grosses courses au cyclisme, notamment donc comme cycliste, il y a Tom Dumoulin, Valverde, Fabio Aru, il y a aussi des sprinteurs, pardon, Kittel, Cavendish, Greppel, Cavalewans, Viviani qui seront là, et notamment au niveau côté français, il y a Julian Alaphilippe ou encore Pierre Roland. Il y a aussi la Het Nieuwsblad, donc c'est une première petite classique en Belgique, et notamment le favori Greg Van Avermaet qui sera présent, tout comme Lars Boom, ou encore l'équipe Quick Step avec Gaviria, Gilbert ou encore Driss Devenens. En français, il y aura Arnaud Demar, notamment du côté sprinter. En NBA. Donc la reprise de la NBA cette semaine, vendredi, très électrique Cavaliers Wizards, et samedi, deux rencontres, le leader de la conférence Est, les Toronto Raptors contre les Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo, et un explosif Utah Jazz Blazers. Je tiens à citer aussi les 11 victoires consécutives des Jazz. Ouais, avec Rudy Gobert. Justement, merci. Parfait. Tim, tu enchaînes sur le tennis ? Alors, cette semaine, on a 3 tournois, on a 2 250, il y a l'Open 13 qui commence à Marseille, sans Pouille d'ailleurs. Ni de son gars, du coup, qui est forfait. Ouais. Ensuite, il y a Delray Beach, avec à noter Del Potro qui le fait, Chapeau Lavov, Karlovic également. Et ensuite, il y a Rio, qui par contre, lui, est à 500, hein, donc un peu plus important. Où on a, j'ai noté un intéressant, on a un Verdasco Leonardo Mayer, qui a fait quart à Buenos Aires, là, et un Monfils Zeballos. Et chez les femmes, on a le tournoi à Dubaï. À noter le first, de Mladenovic, très surprenant. À moins que. Et ensuite, on a un Budapest, hein, qui est 250 aussi. Le first, c'est se faire éliminer au premier tour, c'est ça? Exactement. Contre une qualifiée en plus, hein. Donc la FFL qui va se régaler encore. Moi, ça me permet de terminer sur les Jeux Olympiques. Notez bien, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, hein, évidemment, il reste encore une semaine de compétition. Biathlon, donc relais mixte, ça sera mardi. Relais féminin jeudi et relais masculin vendredi, sachant que les diffusions c'est généralement vers midi pour le biathlon. En bobsleigh, il y a tournoi à 2 féminin, la finale ça sera mercredi, et le tournoi à 4 chez les hommes, la finale dimanche. Combiné nordique, grand tremplin donc chez les hommes, parce qu'il n'y a pas de grand tremplin, enfin il n'y a pas de combiné nordique chez les femmes, je ne sais pas pourquoi, dommage qu'on n'a plus Romain, oui, on a plus Romain avec nous, ouais. Donc grand tremplin chez les hommes mardi, et grand tremplin donc par équipe ça sera jeudi. Curling, la finale de hommes ça sera samedi, et la finale femmes ça sera dimanche. Hockey sur glace, à noter donc demain les demi-finales femmes, ça opposera le Canada à la Russie et les USA à la Finlande, et donc la fin des qualifs demain également pour les hommes, ce qui fait que mercredi le quart de finale chez les hommes et le match pour la troisième place chez les femmes. Le jeudi, finale femmes, et le vendredi, les demi-finales, non, la fin des quarts de finale hommes, pardon, ce qui fait que le samedi, ça sera les demi-finales, et le dimanche, donc, la finale pour terminer en beauté. Patinage artistique, là, donc, cette nuit, comme l'a dit Romain tout à l'heure, c'est les programmes libres en danse, donc, pour le couple français, et pour les couples français, parce qu'il y en a deux, si je me trompe pas. et individuel femme, ça sera vendredi. Short track, encore des occasions pour les Néerlandais de rafler quelques médailles en plus. Demi-finale, puis finale de poursuite par équipe hommes et femmes mercredi vers midi. 1000 mètres hommes, finale vendredi. Et la mass start hommes et femmes, ça sera samedi. En ski alpin, la descente féminin, donc mercredi. Le slalom homme, jeudi. Le combiné féminin, vendredi. Et les épreuves par équipe, on en a parlé tout à l'heure. Hommes et femmes, ça sera samedi. Ski de fond, sprint par équipe hommes et femmes mercredi, le 50 km classique, un peu le marathon des JO d'hiver chez les hommes, donc samedi, et chez les femmes c'est un 30 km, ça sera dimanche. En ski freestyle, le halfpipe féminin mardi, et le halfpipe homme ça sera jeudi, et le ski cross homme mercredi, ski cross femme vendredi. Et pour terminer, donc le snowboard, big air féminin vendredi, le big air homme donc masculin samedi, et on termine par le slalom géant parallèle qui est toujours agréable à regarder au niveau télévisuel. Télévisuel, c'est bien ça, hommes et femmes samedi matin. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le très complet. Parfait. J'étais rapide sur les Jeux Olympiques, mais il y a encore beaucoup de choses. C'est fou ces Hollandais qui dominent le short track comme ça. Ils ont que ça. Ouais, alors, c'est pas tellement un pays à ski. Hein. Ouais, ouais, c'est comme le hockey sur gazon lorsqu'ils sont au JO d'été. Quoi. Ah ouais. Féminine. Et donc, on va terminer avec les pronostics de la semaine. Comme j'ai dit, donc Chelsea, Barcelone et Lyon-Saint-Etienne. Commençons d'ailleurs par Lyon-Saint-Etienne. Dimitri, je t'en prie. Toi qui es supporter des Verts. On va voir s'il est raisonnable ou pas. Je veux dire un match nul. Et combien exactement? On va dire, si vous fiez, nous sommes à la maison, on va dire un petit 0-0, ça m'ira bien. 0-0. Paul. Moi je vois bien Lyon se relancer 4-1. Joli, ça prend des risques. Ça prend des risques, carrément. Tu veux que je revise mais... 2-0 pour les Lyonnais. 2-0 pour les Lyonnais. Je voulais dire 2-0 pour Lyon. Parce que... 2-0 pour Lyon. Et moi je vais mettre un partout. Je suis seul un peu à m'enflammer alors. Chelsea-Barcelone. Pourquoi pas. On va commencer par Tim du coup. Chelsea-Barcelone. Je vais dire, je vois bien Barcelone gagner. J'hésite, je vais dire 2-1. 2-1, donc à l'extérieur, hein, je rappelle Barcelone. Yacine. Chelsea 2-1. Chelsea 2-1. J'allais dire quadruplé de Giroud, mais je vais peut-être me raviser un peu. Non, 2-2. 2-2. Et Dimitri. Je vous dis une victoire 2-0 de Chelsea. It's 2-0 time. De Chelsea, et moi je vais dire 3-1 pour Chelsea. Il n'y a que moi qui vois le Barça gagner. Quoi. Moi je les vois se qualifier à Chelsea. Tu seras les seuls à gagner les points peut-être. J'aimerais bien moi. Que tu aussi passes. Moi je vois tenir le résultat là-bas. Non, parce que pas ça sent fort bridge, ça sent fort bridge, c'est pas. Ce qui fait que au classement pronostic, la semaine dernière, 3 personnes ont eu un point. Guillaume, Romain et moi qui avons pronostiqué la victoire du Real. Personne n'avait le bon score, mais on avait pronostiqué tout de même la victoire. Au classement, Théo donc, et moi on a 8 points. Je recolle la première place, mais bon, en même temps je suis tout le temps là, donc faut bien que j'ai des points à un moment. Par contre, au ratio, ça va être autre chose. Yacine est 3ème du coup, 7 points. Dimitri, Guillaume, 6 points. Vincent et Romain, 4 points. Tim à 4 points. Et les autres, donc Sylvain, Anthony, Thibaut et Paul qui avaient marqué un 3 points d'un coup la fois dernière. Oh, joli. Je crois que t'avais joli. Qui sont à 3 points. Je crois que t'avais un score. Exact. C'était à Lyon. Lyon-Montpellier, j'avais dit 2-1 pour Lyon, je crois. Exactement, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, remerciements pour les chroniqueurs d'être venus ce soir avec moi. Merci donc, à toi. Belle mission, merci comme, à toi. Comme d'habitude. À la technique, hein, il y avait Arnaud, mais Tom est là maintenant. Merci Immongeable, à vous. Immongeable. Et à nos auditeurs de nous avoir écoutés, nous avoir supportés comme d'habitude, mais bon, on a fait du bon boulot ce soir comme d'habitude. On va terminer par le son de la semaine, et ça va être encore les Jeux Olympiques. Rappelez-vous donc à Sochi 2014, le triplé français historique avec en ski cross. Ah oui, ouais. Ah oui. Les trois premières Mythique. Places étaient pour les Français, donc ski cross homme. Hein. Et victoire donc de Jean-Frédéric Chapuis devant Bovolenta et Midol. On vous laisse écouter ça, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, 19h-21h, sur Radio Campus Montpellier. Salut. Bonne soirée. Allez, soirée. Allez, les gars. Ouais, c'est bien parti. Jonathan qui part un petit peu moins bien. Allez, on a Bovo devant avec Jean-Fred qui se tire la bourre. Ils ont pris carrément. Ils ont pris Lehmann. Allez, Jean-Fred. Jean-Fred à la glisse. À la glisse, il va revenir. Jean-Frédéric Chapuis, vous allez voir. Allez, il passe ici un petit peu à l'intérieur. Les trois Frenchies qui sont devant, attention, Brady Lehmann est très bon sur les sauts. Allez, Jonathan, à toi de défendre ta troisième place, mon. Allez, c'est revenir. Allez, attention. Il est capable de rattraper tout le monde sur le bas. Il est très, très fort, le Canadien. Allez, Arnaud Bobolenta est devant. Jean-Frédéric s'appuie. Le troisième place, le Canadien. Vidal est juste derrière. Lehmann en embuscade. Hein, il va le step down, ça se passe pas mal. Attention allez, à Lehmann, il est dangereux. Ça a doublé, Jean-Fred est passé devant. Hein. Jean-Fred apparemment est devant. Attention. On va pouvoir le vérifier dans quelques instants. Jean-Frédéric Chapier est devant. Midon est deuxième. Oui, il a passé. Trois pour l'instant. Allez, on garde les positions. Allez, on se concentre, parce que maintenant, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte à celui qui est derrière. Allez, on va laisser passer. On attend debout. Allez, les gars, c'est bon ça. Allez, on contrôle le bon. Oui. Oh, c'est énorme.